Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oh là là. Ok. Ok, on est déjà dans le mood. Ah bah je... Je suis déjà dans le mood, j'y étais déjà de toute façon, mais je m'étais préparé. Je sais pas à quel point on a plus les droits après, donc je vais pas laisser trop longtemps. Écoute, je pense que ça va, je pense que le droit de citation, mais après bon. De toute façon, Laurie est... J'ai son 06, moi on peut l'appeler là pendant l'émission. Oh putain. Et si elle me répond autant que comme elle me répondait sur Insta après avoir dit « Eh mais faut trop qu'on se voit à Paris », bah écoute, elle répondra jamais, elle répondra cet jamais. Ne sera jamais diffusé. Alors, d'ailleurs, attends, pourquoi la positive attitude? Bah, on va l'expliquer dans très peu de temps. Mais d'abord, j'ai fait une découverte. La positive attitude, on dirait un peu Everything is awesome. Regarde bien. Ah. Pas exactement, mais tu sais. Ouais, le ok. Le côté positif. Et en plus, c'est même. Ok, ils ont copié sur Laurie. On vient déjà de lever un lièvre énorme. Énorme lièvre. Je regarde sur mon. Oh, on n'a pas essayé mode Talkie Walkie de l'Apple Watch. Essayons, on peut peut-être essayer en live. Je sais pas si ça peut faire du bon, un bon programme. Si j'étais un renard, j'aurais bien mangé car je viens de lever un énorme lièvre. Non, pourquoi la positive attitude, Adrien Méniel? Eh ben, bon, je pense que ça va sans dire, mais on est deux personnes extrêmement positives. Ouais, c'est ça. Alors, il n'y a pas d'invité hein, cette semaine. Oui, voilà, oui d'ailleurs. Oui, bah voilà. Oui, parce que là, vous avez dit, oh, ils n'ont pas fait les intros, ça doit être des invités prestigieux. Il y en a zéro. Il y a Francky. Il y a Francky, mais elle est totalement très sale. Mais on est que tous les deux aujourd'hui. Et parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un épisode tous les deux. Pas du tout. On s'est mal organisé. On n'a pas eu le temps de trouver des invités. Mais d'ailleurs, il faudrait peut-être prévenir. Il y a des chances que ça se répète un peu ça hein, dans le futur. Enfin, faut qu'on s'organise un peu avec Adrien, mais je préfère pas trop en parler. Mais moi, normalement, je devrais être un peu occupé ces prochaines semaines, ces prochains mois. Un deuxième gosse qui arrive. Ah, ouais, j'ai été très très très vite. Non, mais je vais être très occupé. Donc, très vite, ça va quand même. Oui, non, remarque, oui, c'est tout de même 9 mois. Et ouais, la gestation ouais, d'une femme. Non. Donc oui, tout ça pour dire effectivement, c'est très mal organisé, mais Adrien a une besace, pas si énorme, mais quand même de bonne taille. Une sorte de sac banane. Et dedans, il sort parfois des idées brillantes. Et aujourd'hui, il m'a dit, et pourquoi pas un petit thème, vu qu'on n'est que tous les deux, parce que moi, j'étais évidemment... Oh, faisons, je sais pas, FAQ, voilà, on prend des appels, machin, bon, bref. Les gens disent, j'ai chié dans la douche, et puis on fait, oh là là, le mec, attends, il est fou, quoi. Et puis ça fait une émission, parce que c'est ça qu'on fait depuis 8 ans. Donc non, mais en gros, je me suis dit, et si, parce que je disais tout à l'heure, avec une ironie qui me caractérise, hein, c'est exactement ce qui fait aussi, ce que je fais depuis 8 ans aussi dans le podcast. Non mais je me suis dit, écoute, déjà quelques années se sont écoulées, pas folichonne, il faut le dire. Ah, on a enchaîné là. Hein. Là, 2023, on se disait que ça allait mieux. Michel Houellebecq sort un porno. Est-ce que c'est pas pire que tout? C'est pas pire que la pandémie? Est-ce que c'est pas pire c'est que tout? C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et on je a me bien suis... fait de jamais faire ça à nous. Tu sais, on se disait, oh, un porno, ça aurait été rigolo. Non, mais pas toi et moi. Ah. Dans la... Mais tu sais, on se disait, ouais, pourquoi pas. Et puis maintenant, ah ouais, je trouve que c'est que des gens qui me saoulent, qui le font. Donc je suis ravi. Oui, mais justement, toi, peut-être. Non, je sais pas. Moi, je sais pas, moi, tu sais. Après, ouais, non, je sais pas. Ou alors, avec Houellebecq. Ah bah. Qui tape. Non, mais trouver une célébrité un peu. Qui on prendrait? On est déjà en train de faire une digression. Moi, j'ai le 06. Mais attention, j'ai le 06 de Thierry Beccaro, moi, personnellement. À tout moment, je peux avoir Thierry Beccaro. Oui, mais je l'aime trop, Thierry Beccaro. Enfin, moi aussi, tu vois, mais je pense qu'il a une teub bien large. Oui, ah, il a une teub bien large et pas forcément très longue, mais non. Bien charnue et bien. Et solide. Il a d'ailleurs une boule noire. Oh! Allez! C'est parti! C'est positif tout ce qu'on dit. Hein. Je tiens à préciser. Parce que. Donc je me suis dit, voilà, on en prend plein la gueule, ça nous affecte. Florent, il est épuisé face à moi là. Pas du tout. Non, je suis bien. Il est mort de fatigue. Non, de toute façon, si vous réécoutez le oui du début, il était d'une faiblesse. on est fatigué. Moi. Mon grand âge qui m'accable. Non, tu prépares un set de DJing. Et justement, ça me terrifie parce que déjà, je suis pas encore très bon. Et vraiment, moi, tous les soirs, là, à 22h30, je me dis, bon, bah, je vais me coucher. Il va falloir qu'à 2h du mat, je fasse un DJ set. Déjà que je suis pas bon, en plus, je vais être épuisé, ça va être horrible. Je suis en stress. Mais peu importe. Justement, tout ça me fait dire, et si on allait chercher le positif? Alors, à notre sauce, évidemment, vous me connaissez. Attendez, mollo mollo. Attention, les woke, ça n'a plus rien à voir. On va, voilà, toujours avec une petite blague par-ci, un petit sarcasme par-là, mais une attention. Une imitation à gauche. Ouais, voilà, on peut à gauche permettre. Et à droite, on tape sur tout le monde, comme Dieudonné, qui a fait ses excuses, je rappelle. Aussi, autre chose, on enregistre le 29 janvier à 21h26. Voilà. Donc l'épisode doit être en ligne dans 7 heures à peu près, donc je t'en supplie. Voilà. Calmos. Non, mais j'ai rien dit là. Non, attends. Non, non. Mais en plus, je dis, il a fait des excuses, pour moi c'est positif, attention. Là, on est dans le positif. Qu'est-ce que t'es positif? Non, non, non, on est positif. Voilà, et donc, ouais. Voilà, on va essayer. Ça se trouve un échec, mais oh, les écoute, digressions, hein, c'est premier, peut-être ce qu'il y a de mieux dans le podcast. On essaye, voilà, d'avoir un petit thème genre positif. On va essayer de savoir ce qui nous fait voir le positif dans la vie. Ouais. Ce que peut-être les auditeurs et les auditrices, qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour choper un petit peu de positif? Quels sont leurs souvenirs de moments, de bons moments qu'ils ont eu, des moments joyeux? Et peut-être aussi même des petits tests. Un test dingue. Pour savoir si on est positif ou pas, tu parce vois. Parce que bon, on est là, mais ça se trouve. On l'est pas du tout, on donne des grandes leçons. On l'est, on l'est beaucoup plus qu'on le croit, peut-être. Bah écoute, moi en tout cas ce thème me plaît, ce thème me donne envie. Est-ce que tu pourrais me dire déjà un truc positif qui t'est arrivé, parce qu'on est tout début 2023, est-ce qu'il y a un truc dans ton année 2022, un changement, quelque chose qui t'est arrivé d'ordre? Parce que récemment, alors je sais pas si c'est un truc positif, mais j'ai envie d'aborder ça, parce que ça, faut savoir qu'avec Adrien, on se voit pas beaucoup aussi en ce moment, enfin déjà on se voit que pour le podcast et même ça, ça fait longtemps qu'on en a pas vraiment fait. Ouais. Tu as rencontré Tony Parker et on n'a même pas débriefé ça. Bah, dans l'émission Popcorn. J'ai rencontré Tony Parker, c'est vrai. Après, bon, il était invité. Enfin, c'était très corporate, quoi. C'est-à-dire qu'il arrivait avec, je sais pas, 6 ou 7 personnes de sa team. Mais il faisait un basket, peut-être. Non, mais même pas. Même il y a 8 joueurs au basket, bien sûr, par équipe. Je connais ouais, vachement ouais, bien. C'est ça, bien sûr. Bah ouais, je connais bien. Dis-moi une action au basket. Le panier. Le panier, ouais. Et c'est l'équivalent du but, hein, pour ceux qui connaissent pas le basket. Non, mais attention, voilà. Les noie pas dans les trucs un peu trop techniques quand même, avec ta science du sport, là. Donc après, voilà, il est arrivé, il nous a dit bonjour 2 fois, ce qui était humiliant. C'est-à-dire qu'il est arrivé, oh, je balance, mais attention, positif, hein, parce que j'en tire aucun grief. Attends, quand tu dis que tu balances, tu balances-toi. Oui, oui, oui, okay. Ça, c'est positif. Le rire, très, très positif. Caresser un petit chien qui est assis à côté de moi, oh là là, très, très, très positif. Positif aussi. Non, et donc, en gros, il est rentré dans la pièce avec sa team. On était en train de manger avec... Bah, Gigi et sa fameuse calve. PA, Gigi et sa calve. PA, Ponce. Ah oui, bien sûr. On était en train de dîner. Et donc il est arrivé, il nous a dit bonjour. Voilà, après lui il allait faire ses trucs, machin, on s'est fait make-uper. Nanana. On est allé, les chroniqueurs et PA, sur le plateau pour que les gens fassent les réglages caméra et tout. Tony Parker est arrivé, nous a redit bonjour. Et donc je crois que c'est Jiraya qui lui a dit non, bon, on s'est vu tout à l'heure et tout. Et il s'en est tiré par une petite pirouette très positive. Non, il a dit oh ouais, mais je préfère, vaut mieux dire bonjour 2 fois que pas du tout, parce que sinon les gens ils vont dire ouais, Tony Parker, il a parlé de lui à la 3e personne, mais de façon positive. Moi je suis positif, hein, là. Et il a dit ouais, voilà, sinon après on va dire il dit pas bonjour et tout. Petite pirouette, mais c'est passé très non, bien. Puis en vrai, bon. Il avait l'air charmant, écoute. Moi j'ai juste vu son interview sur YouTube. Moi je regarde pas vos Twitch, moi, vos trucs. Ouais, mais non, je me parce fais... que t'es jaloux de. Non, positif. Non, positif. Attention. Je suis peut-être jaloux de la calve de Gigi, mais pas plus. Bah, non, mais ouais, j'ai regardé. Tu pourrais être plutôt jaloux de la mienne. C'est vrai. Elle est pas de si belle qualité. Et bref, j'ai trouvé que c'était. Il avait l'air très cool. L'interview était vraiment chouette. Je voyais un mec posé. Je voyais un mec content d'être là. Et il fait un podcast aussi, je crois que c'est ça le truc. Ah, peut-être. Ouais, je crois qu'il y a un podcast. Le un podcast. Panier Cast. Tony P, entre parenthèses, P podcast. Pour Parker, mais également podcast. Oh, le titre est horrible. L'émission est super, mais le titre est atroce. Donc, oui, pardon, j'ai fait une digression. Donc, en 2022, est-ce que t'as un truc que t'as fait un truc que j'ai fait. Ben, J'ai quand même j'ai tourné dans un film, quoi. Ouais. C'est mon plus gros rôle au cinéma. On peut dire combien de jours à peu près? J'ai eu 11 ou 12 jours. C'est pas tout à fait fini encore, ouais, le tournage. Il y a d'accord. encore 2 jours en mars. Okay. Mais c'est jusqu'à présent, j'ai eu des apparitions au cinéma. Oh. Là, je suis un personnage qui a un nom, quoi. Ouais. ce qui est bien. Moi, je mets toujours des noms aux personnages dans mes scénarios. Ah oui, mais même c'est des tout petits trucs. D'ailleurs, si vous écrivez, on va, c'est positif, hein, le conseil que je vais donner. non, mais en vrai. C'est important de donner des prénoms parce que ne serait-ce que pour les comédiens qui ont le rôle et qui disent ah je suis homme 3, trop bien. et puis ça donne déjà une motivation, je trouve, aux comédiens. Moi je trouve ça cool. Même moi ça me gêne quand j'appelle un comédien et que je dis justement tu joues homme 3. Non, je préfère dire tu joues Loïc ou Serge. Sachant que en plus, bon, déjà on peut aller au-delà du truc d'ego parce que bon, on est positif, mais c'est des crédits après qui finissent sur Allociné, qui finissent sur quand les gens regardent, ils font alors il a fait quoi, il a fait homme 3. Puis ça donne une bonne motivation aux comédiens, souvent il y a un truc de ça l'aide à se mettre dedans, quoi, tout simplement, genre bon bah j'ai un prénom, j'ai un background, tu vois, puis pour tout le monde, même pour les équipes et tout, ils disent, attends toi t'es qui, t'es au lieu de dire homme 4 machin, avoir des, enfin ça c'est mieux pour tout le monde. Et moi, dans les petits insights, dans les didascalies, les didascalies, pour celles et ceux qui savent pas, c'est dans un script le texte qui décrit une action, c'est-à-dire il rentre dans la pièce, il ouvre une porte, tout ça, c'est des didascalies. Et des fois, c'est des adjectifs pour le jeu aussi, genre énervé, façon de le jouer, quoi. Oui. Les parenthèses, les parenthésis là. Final draft. Et moi, il y a une didascalie de mon personnage, c'est vif et agile malgré son corps chétif. Mais qui est ta bio Tinder aussi, je crois. ouais, bien sûr. Et j'ai tourné avec Sébastien Lalanne, il a dit mais t'es pas du tout chétif, au contraire, hein. Les mecs qui disent ça, c'est des enculés, t'entends? Non, parce qu'il devait me soulever, il disait mais t'es pas du tout chétif, hein. Ah, je peux te dire, t'es là, pas du tout, hein. Incroyable, Sébastien Lalanne. Bah, oui. Superbe comédien. Il m'a dit d'ailleurs qu'il avait adoré venir dans le Floodcast, qu'il avait un super souvenir. Oui, c'est vrai que tu n'étais pas là, toi, le jour où il est venu. Bien sûr que si, j'étais là, malheureusement. Mais non. si, pour Balle Perdue. Ah, il est venu deux fois. Il est venu pour Les Emmerdeurs aussi. C'est pour ça. Ah, c'est pour ça, pardon. Il était venu pour Balle Perdue, et là, j'étais là. Et il a dit qu'il avait adoré et tout. Bon, trop cool. Je l'adore. On l'adore. Donc, oui, film de cinéma. Voilà, et après, en plus, c'est un tournage où il y a. Tu connais certaines personnes. Enfin, je trouve que c'est vachement idéal comme. Bon, de toute façon, on peut dire que c'est. Oui, ça a été. Albert Lenoir a fait une photo. Oui, non, mais tout le monde. En plus, il y a que moi qui suis dans un truc de dire. Je sais pas si je peux le dire. Tous les autres acteurs disent je suis sur le tournage de Anti-Gang 2, La Relève. Donc, je le dis, voilà, c'est Anti-Gang 2, La Relève. Donc, la suite d'Anti-Gang qui est sortie il y a 8 ans. Et donc, bah, en gros, il y a tout le cast du 1 qui est encore là, quoi. Et puis, avec. Quelques sacrés acteurs en plus. Je cherchais un truc mieux à dire que ça, puis il est tard. Tout va nous fatiguer. Moi, normalement, dans une heure, je suis au lit. Donc, Est-ce que tu as croisé Jean Reno ou pas? Alors, je l'ai croisé. Tu lui as dit morte couille? Je pense que si j'avais été à ta place. Je lui ai dit mon joie Saint-Denis. Ah bah voilà. Ouais. Non, mais. Je vais roter, pardon. Mais positif. Oh, ouais, mais c'est positif. Il vaut mieux en dehors que dedans. Hein. Oh oui. Oh, quelle horrible haleine. Ah, ce burger que j'ai mangé me reste sur l'estomac. Les burgers vegan sont délicieux, machin, mais les relents sont très agressifs, je trouve. Il y a des fois un petit fumet. Mais non, mais c'est très bon et machin, mais il y a un petit relent, fumet. Non, mais en plus, quand j'étais sur le tournage, j'envoyais des petits DM à JB de Tales from the Click. Qui est très positif. Ah bah là. Non, et je lui disais je vais jouer avec un grand acteur français, est-ce que tu veux deviner qui c'est? Oh bah, il a adoré, donc, le fou de lui. Il a adoré, il a fini par deviner Jean Reno. Et là, plus la soirée avançait, plus je comprenais que je n'allais pas tourner avec Jean Reno. En fait, on est dans la même scène, mais ils ont tourné vraiment les deux. La magie du cinoche. Voilà. Donc je l'ai. Je suis passé à côté de lui à la cantine, mais je n'ai vraiment pas tourné avec lui. Donc, ça, vous le saurez, ça, c'est un petit bonbon pour les cinéphiles. Quand vous verrez le film sur une excellente. Tiens, d'ailleurs, Disney Plus, je le dis de façon très positive, mais avant. Déjà, Disney Plus, on peut pas faire plus positif. C'est déjà y a plus dans Disney. Déjà, Disney, c'est déjà très, très positif. Alors, s'il y a plus à la fin. Et si c'est plus, ça dépasse l'entendement pour moi. Mais bon, excellente plateforme bien sûr. Les petits problèmes de ralentissement, de saccade et tout, avant cet été, c'est fini cette histoire. Hein. je dis cet été au hasard, mais parce qu'il se peut qu'il y ait des programmes qui arrivent et il va falloir régler cette histoire. Il faut qu'on voit les films dans les meilleures conditions. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Mais là, c'est passé. C'est passé. L'info est passée. Et pour que je dis ça, parce que je regarde. Et on est tellement positif qu'on va faire des recos, mais bah, comme ça, là, je débouté. Regarde Andorre, moi qui passe mon temps à dire. Star Wars, Molo. Et bah c'est très bien, Andorre. Je sais pas si t'as regardé. Pas du tout. Et ben. Alors que moi, Star Wars, je passe mon temps à dire eh oh, je suis un Jedi, la Force. Eh oh, les lasers. Yoda, le personnage. Et ouais. Bah, j'ai pas regardé Andorre. Et bah écoute, c'est super. C'est. Ouais. Bah, je pense que c'est aussi notamment bien parce que ça n'a vraiment pas grand chose à voir avec Star Wars. Finalement, il y a pas besoin d'avoir vu les films pour. Non, capter, pas du tout. Ouais. Mais c'est aussi peut-être. La preuve que l'univers de Star Wars n'est peut-être pas si deep que ça. Ouais. Et qu'en fait, t'as juste besoin de savoir qu'il y a un empire et puis des rebelles. Mais ça, moi, c'est marrant que tu dises ça parce que je trouve ça même. Je trouve que les grandes histoires n'ont pas besoin d'être deep. Oui. Parce que récemment, je voyais plein de gens critiquer Avatar 2 en disant non, mais il n'y a pas de scénario. Non, mais il est où le scénario? Tu fais c'est un mythe en fait. Enfin, t'as pas besoin d'avoir des espèces de twists toutes les 4 secondes. Et effectivement, Avatar 2, il se colle sur des archétypes très marqués. Mais parce qu'en fait, il a un univers tellement ouf qu'il a besoin de ça pour que tu comprennes le truc. Et je suis toujours embêté avec les gens qui. Parce que je trouve que déjà, ils confondent intrigue et scénario. C'est pas vraiment la même chose. Qu'intrigue, c'est l'histoire. Et scénario, c'est la façon de. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas exactement la même chose. Oui, tu oui. vois, on fait pas la c'est même. Comme le rythme et la mélodie, un peu. Enfin, un petit peu, non, mais c'est vrai. Oui, bah, c'est vrai. C'est mon métier aussi. Hein. je l'ai dit ça de façon très positive, mais quelqu'un de moins positif que moi. Tu l'as fait avec une petite musicalité. On aurait pu croire que tu blaguais. Je disais que c'était vrai. Et bon, et Avatar 2, c'est vachement bien écrit en fait. Tu peux pas dire que. J'avais vu une critique qui était folle. Le gars il dit bon là le scénario n'est pas bien, machin. Et après il fait on ne voit pas les 3 heures passer par contre. Tu fais donc c'est extrêmement bien écrit. Enfin, tu non, peux mais pas, c'est comme. 3 heures ne peuvent pas passer vite si en termes de scénario c'est pas vachement bien, tu vois. Non mais tu peux avoir des émotions en écoutant du classique et en écoutant du rap avec genre une instru hyper minimaliste, simpliste et tout. C'est juste deux choses différentes et enfin tu vois, genre. Ouais. Où tu peux, je sais pas, tu peux écouter du Jacques Brel et du Renaud et c'est pas vraiment le même degré de complexité ou de poésie et pourtant ça te touche autant ou de manière différente justement. Mais... Jean Renaud d'ailleurs, que tu as croisé. Jean Renaud, voilà, tu crois à la cantoche. Tes deux anecdotes de vedettes, il y a une anecdote de cantoche. J'ai l'impression que ce sera ta. Parce que Tony Parker, cantoche. C'est vrai. Et Jean Renaud, cantoche. C'est vrai. Donc pour moi, Eric Cantona, cantoche. C'est son surnom juste. Ah ouais? Non. Moi 2022, qu'est-ce que j'ai fait de positif? Parce que tu me le demandes Adrien, je vais te répondre. En fait, bon alors, parce que au final on fait des blagues sur le fait que apparemment je parle que de ça et tout. Non mais en plus j'ai très peu parlé de mon enfant en vérité. Tu pas l'as tant évoqué, que ça. Oui, je tu l'as évoqué. Je l'évoque assez régulièrement. Utilisé comme prétexte pour pas répondre à mes messages, ça à de nombreuses reprises. Oui, ça c'est dans l'intimité. Non, ça bien sûr. Mais oui. Non, mais oui. Non, parce que je vois les petits. Alors, je vais dire ça de façon extrêmement positive, ouais. Donc je veux pas qu'on les commence. Les gens qui. À... Ah oui, les gens qui. Tu commences à faire les blagues en disant ah bon, il a un enfant, machin. Écoutez-moi bien. Comparé à n'importe quel parent. Déjà, vous êtes bloqué évidemment sur tous les réseaux. Mais comparez-moi à n'importe quel parent. Oui. Je suis extrêmement discret. D'autant plus que, vous ne le savez pas, mais j'ai hélas le meilleur enfant de la Terre. Donc je suis très calme au niveau des infos que je donne sur cet enfant exceptionnel. J'aime pas ça. Une blague que j'ai pu faire. Hein, non, attends, oula, j'ai l'impression qu'on est positif mais là. Mais cette peu. Blague de ah, t'as un nanana, ah, ouais. T'as un chien, ah, oui, bah laisse-moi tranquille. On voilà. parle. Je peux genre exprimer les choses qui me font oui, voilà, laisse-moi. Bah écoute, tout moi... le monde fait ça en fait. Tout le monde le fait. C'est quoi ça? C'est Ophélie Winter. J'allais dire malheureusement Big Flo et Oli. Et après tout, pourquoi pas? Bon, ça leur ressemble également. Donc oui, l'enfant, moi c'est vrai que, alors je vais dire peut-être une banalité, mais ça apporte beaucoup de... ça apporte vachement de positif dans la vie. Mais bien sûr. Non, mais c'est assez dingue. Moi c'est surtout le fait que beaucoup de gens te préviennent de la difficulté de façon extrêmement positive là aussi, mais en tout cas bienveillante, de te dire voilà ça attention, ça peut être dur, ça c'est machin, et donc on a peut-être été très chanceux ou peut-être on l'a mis dans un cadre cool, j'en sais rien, enfin tu vois sûrement un peu des deux, Mais nous, effectivement, on n'a pas de galère avec cet enfant, donc on est aussi extrêmement chanceux, parce que déjà en termes de santé, ça va très bien, et c'est pas le cas de tous les bébés. Mais elle est gentille, souriante, cool. Pour moi, c'est l'équivalent de Frankie en humain. Oh là là. Alors là, non, mais dans la bouche d'Adrien, ça ne veut pas. C'est pas petit ce qui vient d'être dit là. Là, c'est énorme. Non, mais voilà, et donc effectivement, même ce qui est assez dingue, c'est je vais arrêter de faire des secrets trop, mais. Le truc que je fais en ce moment était quelque chose que je voulais faire depuis tout petit. Voilà, c'est un truc très important pour moi dans le domaine professionnel. Il n'empêche que, tu vois, passer 18 heures, il y a un besoin fou de retrouver ton enfant et que, ouais, bah oui. Tous les films avec Robin Williams et avec Nicolas Cage parlent du fait que l'enfant passe avant le travail, etc. Mais c'est vrai que c'est fou, quoi. C'est-à-dire que la question ne se pose même pas tellement ça te remplit de quelque chose d'indescriptible. Alors je dis absolument pas qu'il faut le faire quand tu le sens et que t'as envie de le faire. Mais moi, ça me, effectivement, l'année 2022 a été ensoleillée par la présence de bébé. Et je comprends pourquoi les Teletubbies ont mis un bébé dans le soleil. Ben oui. Parce qu'au final, c'est exactement l'effet que ça fait. C'est ça. Non, c'était assez génial parce qu'elle est née du coup tout fin mi-décembre 2021. Donc 2022, ça a vraiment été sa première année vie sur Terre. Et que ce soit même les nuits, se lever et lui donner à manger, ça donne un espèce de... Donc fais pas croire que ça, c'est bien. Je te jure, c'est ouf. C'est vraiment trop bien. En fait, il y a... Ben oui, en plus. Nous, vu que ma compagne n'allait pas, il y a vraiment un truc où... Aïe. Non, ma compagne n'allait pas. Le bon côté de ça, c'est que... déjà, elle a pu se reposer après l'accouchement. J'ai pu prendre un peu le relais. Et je faisais toutes les nuits. C'était un espèce de deal qu'on s'était fait avec ma compagne de dire je fais toutes les nuits. Pour quelle taille ? Hein ? Un deal de plutôt quelle taille ? Oh, écoute. En tout cas, c'est pas un little big, ça c'est sûr. Un little deal. Mais il était plutôt gros en tout cas. D'accord. En tout cas, il y avait un extraterrestre bleu. Ok. Je veux pas dire mieux. Qui était présent dans ce deal. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, bonjour Émilie, on le rappelle. On le rappelle. Et juste ça, faire les nuits, en fait, il y a eu une vraie connexion. Oui, ça cool, devait, quoi. Ça, c'était ça, génial c'est... parce que une c'est mère comme et son enfant. Le chien, c'est pareil. Mais c'est ça. Non, mais une mère et son enfant, j'imagine qu'il y a une connexion assez. Tu vois, le truc sordel. Donc, il y a un truc qui doit être. Et c'est vrai que je sais pas à quel point le père doit prendre une place ou pas, mais c'est vrai que de s'occuper de l'enfant la nuit, il y avait un truc. Assez évident, quelque chose de... Oui, c'était votre relation privilégiée. Entre elle et moi. Ouais. Et un truc assez dingue de... l'enfant est dans un besoin primaire. Ouais. Et tu lui sauves la vie à ce moment-là. Et ça, c'est la dingue aussi. C'est la première année, tu te rends compte que tu sauves la vie d'un être humain. Chaque jour. H24, ouais, mais toutes les 20 minutes. Chaque fois, tu te dis, là, en vrai, si je fais rien, je pars en vacances une semaine, c'est terminé pour elle. Mais même, tu sais, quand elle était toute bébé et qu'elle était allongée, je fais là, juste 20 minutes, je pars, il y a de grandes chances elle que ce soit terminé. Voilà, je reviens, je fais aïe, les vertèbres. aïe, les vertèbres, qui est une BD, des tuniques bleues. Donc, ma petite fille m'a beaucoup apporté en 2022. Elle m'a aussi beaucoup enlevé. Je parle d'argent, c'est un puits sans fond de temps. De temps. De temps, c'est pourquoi incroyable. Pourquoi faisons-nous mais ce flocage chez moi et à 21h20? mais même ça, au final, je pensais qu'on allait moins en faire. Et donc, déjà, ma compagne est très présente, je sais pas. Mais l'autre truc, c'est que. C'est vrai que le temps s'adapte, mais comme je dis à l'enfant, mais comme tout ce que tu mets dans ta vie. Mais le travail, moi je faisais beaucoup de projets avant et j'en fais forcément moins depuis qu'il y a un enfant. Ouais, mais tu fais quand même encore beaucoup de trucs. Ouais, j'en fais beaucoup, mais j'en fais forcément moins maintenant qu'il y a un enfant et il n'y a pas de manque en fait. Mais avant qu'elle arrive, j'étais persuadé que je me disais, oh putain, ça y est, heureusement que j'ai beaucoup travaillé avant parce que là, aïe, la vie professionnelle elle prend un sacré coup. Mmh. Et pas du tout, absolument pas, juste elle s'adapte. Voilà. Ah, donc. Ouais, donc non, qu'est-ce que je peux vous dire de positif ? On a quand même fait la tournée aussi. On a fait la tournée, moi j'ai préparé un truc. Franchement, je suis très secret, c'est impossible que vous deviniez. Non mais pour la tournée, c'est alors je suis allé voir Starmania avant-hier. Pas que c'est incroyable. J'en parlerai, bon je peux en parler. Ouais. Non, j'en parlerai plus tard. Mais et du coup, je réécoute pas mal Michel Berger, Balavoine et tout ça. Johnny Rocky Cadillac, c'est pas ça le nom du personnage. Johnny Rockfort. Je sais pas. Non, et c'était marrant, mais j'étais sur Spotify, je regardais les chansons, et il y a un album où c'est Balavoine à l'Olympia, et ça m'a fait. En fait, je sais que j'ai fait l'Olympia, tu vois, mais en fait, on réalise pas, et c'est trop bizarre de se dire, Ouais, j'ai chanté ouais, comme Balavoine, quoi. Genre, à l'Olympia, quoi. Mais toi, c'était un singe énervé. Moi, oui, voilà, moi, j'étais habillé en singe et voilà. Non, mais ou en chevalier à la merde. Mais en fait, c'est. Ça me fait dire, quand même, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Et pareil, quand je regardais Starmania, je me disais, ouais, ils font une comédie musicale devant un public. Ah ouais, comme moi, je l'ai fait. Enfin, tu vois, nous, on l'a fait. Mais tu vois, évidemment, c'est la oui, blague. Oui, incomparable. Hein, mais... C'est beaucoup moins bien que la comédie musicale Floodcast Starmania, bah évidemment. Non, mais nous, voilà. On en reparle dans 50 ans, pareil, ils vont la refaire. Donc, ouais. Ils prennent deux autres gars. Les parce qu'on sera morts. Attic et Luan qui vont faire ça dans quelques années. Et mais c'était marrant. Enfin, je me suis rendu compte que c'était vraiment n'importe quoi, de me dire. On a chanté à l'Olympia, quoi. Mais n'importe quoi. Mais ça, c'est alors bon, c'est pas vraiment le thème du floodcast, mais bon, hey, on divague et machin. Ça dépend, c'est positif ou pas. Ah, c'est très positif. Oh, bah, dire, ouais. Vas-y. Non, mais. Le floodcast, c'est quand même le. Non, mais je veux pas que ça fasse self. J'étudie ce qu'est le floodcast, etc. Oui, au pire. Mais c'est vraiment le truc qui était le moins prévu de tout ce qu'on a fait dans notre carrière, ce podcast. Et l'ampleur que ça prend, on a les pieds sur le frein, quoi, en disant non, juste on veut kiffer, juste on veut machin et tout. Mais est-ce que ça nous permet de faire? Est-ce que ça nous. D'envoi, c'est vrai que c'est assez incroyable, quoi. Ça nous permet de faire des choses dingues et même de rencontrer des gens. Moi, je sais que il y a les trucs que j'ai pu faire par le passé qui jouent quand on m'engage pour quelque chose, mais le floodcast, quand j'invite les personnes et qu'on passe un moment privilégié pendant 2 heures où on rigole avec des invités, etc., forcément ça joue aussi pour plus tard avoir du taf d'une certaine manière, quoi, tu vois. Parce que les gens voient qu'on est dans le même délire, etc., etc. Toi, je suis sûr que c'est ça aussi un peu d'une certaine manière. Ouais, bien sûr. Et on le dit pas vraiment, mais moi j'en suis extrêmement reconnaissant de ça. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. C'est complètement fou. Non, et même en plus, enfin, tu vois, moi je vais pas dire que c'est grâce au floodcast que j'ai joué dans Anti-Gang 2. Non, mais Benjamin Rocher, donc le réalisateur, lui, en fait, je pensais qu'il me connaissait de Golden Moustache et tout ça. Et en fait, il m'a dit, je t'ai vu jouer pour la première fois dans Visitors, donc récemment. Ouais. Il m'a dit, je te connaissais avant du floodcast, je te trouvais marrant et tout, etc. Donc en gros... ça a dû jouer un peu, tu vois. En tout cas, il m'a connu via le floodcast. Et en tout cas, les premiers trucs qu'il a appréciés de moi, c'était dans le floodcast, quoi. Et c'est vrai que dans le milieu pro, je sais pas si c'est très intéressant ce qu'on raconte. Mais je sais pas à quel point ça ouvre des portes, mais c'est vrai que c'est cool. Enfin, on kiffe en tout cas. On kiffe et puis c'est. Ouais, puis je sais pas. Parce que ouais, voilà, on va voir si on peut continuer le rythme là dans les prochaines semaines. Tu es en train de faire un truc, c'est ça? Enfin, je vais faire un petit truc. Oh non, ça y est, tout le monde va reprendre la vanne. Qu'est-ce que c'est? Attention, je suis positif. Positif, hop là. Je te rappelle. Ouais. Ah oui, excusez-moi, je l'ai pas été là. Adrien. Oui. Comment veux-tu qu'on opère? Est-ce qu'on écoute des messages d'auditeurs qui nous disent un peu des trucs positifs qui leur sont arrivés? Est-ce que tu veux faire le test de la positivité? Peut-être écoutons. Alors Adrien, on dit que ça vague et c'est catastrophique. Mais pour cet épisode un peu positif, oui. Tu as eu la brillante idée d'ouvrir un répondeur. Là pour parler de ça. L'humoriste Michel Leb. Oui, voilà. D'ouvrir un répondeur pour que les auditeurs puissent partager. Alors, soit leurs petits conseils positifs, soit des anecdotes qui leur sont arrivées, qui leur ont mis sur leur cœur un tout petit peu de baume, de la baume du tigre, voilà, très douloureux. Patrick Baume. J'en mets un petit comme ceci. D'ailleurs, parce qu'il va lancer. Quelqu'un qui est très positif. Patrick Baume, toujours très positif. Ah là là. Je vous souhaite d'avoir un Patrick Baume dans votre vie. C'est vrai. Il me fait régulièrement des compliments et c'est agréable. C'est très agréable. Il me dit que je suis belle et qu'il n'attendait que moi. Un petit message. Alors moi, mon habitude mignonne, c'est que tous les matins, mon petit chat vient, juste avant que le réveil sonne, 10-15 minutes avant, elle vient, se blottit dans mon cou et on dort comme ça pendant 10-15 minutes, on fait un câlin. Et ça me permet de commencer la journée du bon pied, tranquillement et de bonne humeur. Allez, salut. Alors déjà, quelque chose de très positif, un message très court. quelqu'un. Bon, je dis ça, c'est positif pour moi. C'est positif. Non, non, mais... non, je l'ai pas choisi au hasard. Il y a eu beaucoup de messages qui sont revenus sur les animaux. Bien sûr. Des animaux de compagnie. Alors ici, vous le savez, il y a Francky. Moi, je suis beaucoup plus secret, mais j'ai également un petit chat, Chelsos. Mmh. Comment on en a... Juste quand tu dis je suis beaucoup plus discret, c'est pas du tout... Par rapport à toi qui fais qu'en parler. Oui, oui, non, c'est pas... D'accord. Non, non, non. Ta fille en ami proche, t'en poses beaucoup des photos. Ah, putain. Elle a évidemment remplacé mon chat dans mon cœur. Ouais. Non, non, mais les... Ça, les, de toute façon, bien sûr, bienveillante. Bienveillante. Alors, avec une bienveillance folle. Aucune négativité en moi. Non, on en a, je crois, des fois un petit peu parlé ça et là, via des news insolites, mais l'arrivée de Francky dans ta vie, Adrien. Ben, ouais, mais c'est... Bah, on a même... quand même fait un épisode de Floodcast entier sur les animaux de compagnie avec Gaël Mektoub et on en a parlé un peu. Ouais. Non mais en vrai c'est con parce que ça fait toujours un peu débilos de quand tu compares ton animal de compagnie à un enfant, mais ce que tu dis, alors évidemment c'est pas comparable, je veux dire tout, pose, faut garder... pose ses pincettes Adrien, on non, est mais, entre nous bien sûr, non, je suis mais... en calbar là devant toi, mais ouais je vois tes boules. Elles sont aucune d'elles n'est noire. C'est je retrouve ce que tu dis, tu vois, le côté non mais en fait il y a un truc qui est tout, ben le truc est que tout le monde a déjà dit sur les chiens, mais c'est que t'as juste un être chez toi qui t'aime de façon inconditionnelle, qui est toujours content de te revoir, qui est, et puis aussi c'est le truc de base de ça fait du bien de se focaliser sur autre chose que soi. Exactement. De s'occuper de quelqu'un d'autre, ça fait du bien quoi, et puis c'est très agréable de pas, c'est un peu une phrase toute faite, mais c'est très agréable de pas être tout le temps le premier rôle de ton propre oui, truc voilà. Quoi, de temps en temps de te dire oh là, il faut absolument que j'aide ce personnage principal qui est un chien ou un bébé à aller au bout de cette quête, sinon, et la quête du chien souvent c'est pisser à 7h du matin ou chier et manger de la merde, ça c'est une quête que j'essaie de de freiner un peu, de détourner son chemin, c'est de pas cette la meilleure quête, quête qu'il a parce que toi tu t'avais jamais eu de chien avant. J'avais eu un chien enfant, quand j'étais gosse, ouais, mais c'était ça. Le chien de la famille, et c'était genre dans un contexte familial chaotique, et le chien, le pauvre, il est arrivé là-dedans et c'était pas super. Et en même temps, bon, ça faisait déjà 12 ans que j'y étais, donc calmos. non, oui, et donc c'était pas mon chien, je m'en occupais pas beaucoup, et j'étais pas trop attaché. Oui. Non, mais t'inquiète, alors là, tu sais, on fait les liaisons qu'on veut ici. Hein. Trop attaché à lui, et non, puis je sais pas, en fait, oui, non, Francky, puis adopter un chien, moi j'essaie de faire un peu la pub pour l'adoption des animaux. Oui, alors d'ailleurs, je précise pour les gens sur Internet, quand on achète un chien, le mot c'est acheter, c'est pas adopter. Adopter, c'est quand on prend un animal qui a été abandonné, parce que je vois des fois des vidéos genre j'ai adopté un chien, ou c'est un Shiba, tu l'as totalement acheté. Je parle pas de Squeezie, bien qui sûr. Pour lui, pour le coup, il a vraiment assumé le sûr. Côté. Il était au Japon et tout. Ouais, voilà. Ouais. Mais oui, des fois je vois des. Bon, le terme c'est acheter, voilà. Non mais des fois je la regarde, bah là elle est à côté de moi en train de pioncer, elle vit sa meilleure vie, elle est sur un plaid, elle a le ventre plein, elle est trop bien. Et je me dis mais dire qu'elle était genre elle dormait dans une cage et avant oui, elle était sans doute dans la rue. Pour et le tout. Rappeler, toi tu l'as adoptée effectivement, elle était à la Réunion, c'est ça? Elle était à la Réunion, ouais. Et c'est pas pour dire waouh, je suis génial, non, je suis non, un mais sauveur. C'est moi qui le dis. Mais c'est pas pour dire. Ça me fait pas me dire waouh, je suis génial de faire ça, mais c'est hyper émouvant de se dire elle est plus heureuse quoi. Enfin, tu vois, c'est sûr et certain quoi. Et évidemment, et les gens de la SPA ils font des super boulots et tout, mais ils peuvent pas s'occuper aussi bien de tous ces chiens là qu'une personne s'occupe de son chien. Et non, puis en vrai, je sais pas, ça te fait un peu relativiser des fois sur la vie, des fois tu. C'est un peu con, c'est un peu de la philosophie de comptoir, mais tu te dis bah il y a un être vivant qui vit sa vie simplement et qui a l'air de qui fait sa vie. Mmh. Et effectivement, évidemment, je suis pas un chien, donc j'ai des problématiques un peu plus complexes qu'elle. Tu manges également ta merde, mais c'est oui, une autre histoire. Mais ça, depuis que je l'ai, c'est elle qui m'a montré la voie. Non, mais tu te dis, bah peut-être que la vie, ça peut être peut-être quand surtout quand t'as un peu tendance à trop réfléchir et au point où ça te ça te porte préjudice, quoi. Tu te dis, bah je sais pas, en fait souvent je me dis je devrais prendre exemple sur mon chien. Ouais. qui est ouverte à la vie, et en même temps quand il y a un chien qui l'a fait chier, elle lui gueule dessus, et elle est bien quoi. Tu sais que mon chat aussi, alors c'est pas moi qui l'ai fait, puisque bon, en gros c'est je crois que j'ai déjà raconté aussi, mais c'est le chat qui était en fait le chat de la mais coloc oui. de ma meuf. Mais oui. Mais elle l'a adopté aussi. Il était, il l'avait retrouvé dans des cartons avec son frère de l'époque, qui est décédé entre temps, abandonné dans la rue aussi. Ouais. Et donc elle avait adopté les deux. Et ensuite elle s'est mise avec son mec Robinson, parce qu'il s'agit de Sarah Gellin, Robinsman, Robinstwist, scénariste, Robin Sneakers. Et lui était allergique au chat, donc il pouvait pas garder le chat. Donc au final, on l'a récupéré et ma meuf s'est barrée à Londres 3 mois pour bosser, et donc j'ai récupéré ce chat. Ouais, c'est vrai. Et c'était génial parce que en plus nous c'était vraiment pas prévu. Je me suis retrouvé avec un chat chez moi alors que vraiment j'avais pas du tout prévu d'avoir un chat. Et on s'est, je sais pas si c'est parce que le chat était un peu perdu, puisque donc son frère venait de mourir, il était plus chez sa maîtresse, etc., etc. Mais il était très câlin avec moi et tout. Et là, ça y est, on a un truc cool avec ma fille, c'est que le chat n'a plus peur de l'enfant. Donc, ah, il a peur avant. Bah, là, c'est pas qu'il a peur, c'est que l'enfant est extrêmement brusque. Il faut savoir que le premier mot de ma fille, c'est le chat. Ah oui. Elle dit le chat. mais vraiment, elle hurle. Je savais même pas qu'elle parlait. Elle parle pas, elle dit le chat, le chien, c'est un mot, tata, oui, mais tata c'est papa, et mama c'est maman. Et elle est bilingue. Et elle a dit Mélenchon, troisième tour. J'ai pas compris pourquoi elle a dit ça. Ouais, extrêmement bizarre. Mais ouais, et donc oui, au début, non, parce que quand elle s'approchait du chat, enfin c'est extrêmement brusque. Hein, bah oui, Vraiment, elle lui fait mal et tout. Mais elle adore le chat, et ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle s'assoit dans sa panière. Ma fille s'assoit dans la panière du chat, mais en mode j'attends que tu arrives, quoi. Ah, enfin, oui, c'est oui. extrêmement mignon. J'adore. C'est adorable et c'est très positif pour moi. C'est un Pixar. Plus ou moins, ils sont en train de créer un Pixar devant mes yeux. Et oui, j'adore ce petit chat. J'adore ce petit chat. Et en fait, c'est rigolo parce que les chats, c'est très très cool quand un enfant arrive, parce que ça reste un animal extrêmement indépendant, quoi qu'il arrive. Oui. Et là, il y a un truc vraiment cool de je m'occupe de ma fille jusqu'à 20h30, je la couche. Et quand je suis dans le canapé, le chat est vraiment en mode ah, c'est à mon tour. Merci beaucoup. Et donc elle se pose, elle ronronne, elle est trop contente d'être là. Donc c'est vraiment une grande sœur. Et à l'autre coup, trop mignon aussi. Donc ma fille fait du quatre pattes et commence vite fait à se tenir debout. Et bon, je la laissais un peu gambader, quoi. Et elle était dans la salle de bain pendant que moi je faisais autre chose. Et donc je vais dans la salle de bain voir ce qu'elle fout, parce que quand même dans la salle de bain ça peut être dangereux. Bien sûr. Et il y avait le chat assis dans la baignoire qui surveillait. Et ça, oh, j'ai trouvé ça extrêmement ça, stylé. C'est, bah, oui. Et en fait, je pense que les animaux ont quand même un truc sur les trucs en bas âge. Déjà parce que, comme dit, Johan lui a déjà donné des coups ou attrapé la queue et elle l'a jamais griffé. Ouais, ouais. Donc il y a quand même quelque chose, je pense, oui, de. Je il sais. Capte que. Je pense, j'en sais rien. S'il y a des gens spécialistes en animaux qui nous écoutent, qui n'hésitent pas. Alors, nous. Si j'en crois mon fil TikTok. Ouais. Aucun spécialiste sur les animaux ne dit la même chose. Ah, oui, ils sont tous en train de donner. Et tu dis des ça de façon très positive. C'est totalement c'est positif. Que c'est, voilà. Parce que c'est pour dire que chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais le fait est que, par exemple, au hasard, les éducateurs canins sur TikTok, il n'y en a pas deux qui disent la même chose. Donc, en fait, démerdez-vous avec vos chiens de façon absolument positive. Mais c'est vrai que c'est assez dingue. Et pareil, des fois, elle faisait des petites crises. Alors, il y a un truc qui s'appelle le 5-10-15 chez les enfants. Oui, quand c'est ils avaient avec des problèmes. Manu Lévy. Ah, mais... Le 5-10-15. Oui, et il te double ton loyer. Ouais. Enfin, s'il double ton loyer, c'est ouais, pas cool. C'est un bâtard, il double pas ton salaire. Non seulement il paye pas ton loyer, il double ton loyer. Waouh. Donc, oui, si ton enfant pleure, tu laisses pleurer 5 minutes, tu vas le réconforter 5 minutes. S'il pleure encore, tu laisses 10 minutes, tu vas le réconforter 10 minutes, 15 minutes, machin. Bon. Et souvent, t'as pas besoin des 15 parce qu'en fait, après, l'enfant s'endort. Okay. Et là, on l'a laissé. Nous, elle nous l'a très peu fait parce qu'en fait, elle a fait ses nuits au bout d'un mois. Donc, oui. On sait pas. Et donc, on la laisse pleurer un peu et vraiment, le chat grattait, quoi. Genre, bah là, elle pleure. Si vous faites, oui. Tu vois, genre, il y avait vraiment un truc de. Enfin, vous êtes complètement con, quoi. L'enfant pleure, faites quelque chose. Donc, ça, c'était extrêmement. Non, mais il y a plein de. Il y a des vidéos et tout de chats qui sauvent des bébés qui, vont se faire mordre par des chiens et tout. T'as des chats qui viennent les sauver et tout. Et même les chiens. Bon, et même des chiens qui sauvent aussi. Ouais. Et moi j'ai vu même des chiens avec genre des chatons qui leur éclatent la gueule et ils ont pas le réflexe de. Enfin, tu vois, je sais pas s'il y a un truc de par rapport quand c'est des bébés ou des petits trucs. Ils attaquent pas, il y a peut-être plein de vidéos qui n'ont pas traversé TikTok où le chien mange. Dévore le chaton. Mais non, ça c'était en tout cas sur le. C'est assez mignon. On parle de choses positives, c'est assez mignon. C'est mignon. J'ai un autre message ici même que je lance immédiatement. Je gagne du temps car je ne trouve pas le bouton play. Bonjour, bonjour à vous tous, bonjour Adrien, bonjour Flaubert. Et bonjour l'invité. Personnellement, ma maman a vécu 6 ans en Angleterre. Et depuis qu'on est tout petit, elle nous glisse un peu des mots en anglais comme ça. Et du coup, ma petite habitude adorable, c'est que dès que ma mère me manque ou dès que je manque à ma mère, elle m'envoie un petit « I love your daughter ». Et je lui réponds « Me too, mom ». Et c'est un truc entre nous, sans message avant, sans message après. C'est ça quand on se manque l'une et l'autre. Voilà, bisous à tous. Extrêmement positif. Extrêmement positif. Mignon. Ça, et ça que moi je ne fais pas du tout. Je n'ai pas du tout ce réflexe. Moi non plus. Oui, bah oui. Non, c'est pas un réflexe que j'ai. Mais tu as ce truc quand même avec. Parce que t'as quand même. T'as ton frère, ta soeur, neveu, nièce. Oui, oui. Mais vous envoyez des messages comme ça, des choses que vous faites Oui, oui, oui. Ouais. Après, on n'est pas là. Après, je pense qu'il y a beaucoup de familles comme ça, mais on n'est pas forcément, je pense, les meilleurs pour se donner des nouvelles et tout, quoi. Après, mon frère, je le vois quand même. Oui, vous habitez dans la même ville. Voilà, déjà, ouais. On n'habite pas loin et tout, donc on se voit et tout. Mais cela dit, se voir, c'est pas forcément se donner des nouvelles. C'est vrai. Se parler, c'est pas forcément discuter. Voilà, je cherchais une ref, je cherchais un truc à dire. Non, mais ma sœur est plus forte pour prendre des nouvelles et tout. Et moi, je suis malheureusement un peu trop fort pour pas répondre, pas donner de nouvelles, moi. Donc, on s'envoie des messages quand même de temps en temps. Non, mais moi, c'est la même équipe. Hein. Mon père et ma mère, c'est la même. Ceci étant, ça va être l'épisode où je parle que de ma fille, mais l'arrivée de l'enfant a quand même beaucoup aidé parce que du coup, d'un coup, il y a. Ils prennent des nouvelles de la fille, puis par ce biais. Mais moi, je suis ravi en fait. C'est-à-dire que appeler pour prendre des nouvelles et donner des nouvelles, c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez moi parce que je pense qu'on l'a pas beaucoup fait dans ma famille tout le temps. Donc maintenant, il y a un peu plus de demandes du côté de mes parents, mais comme l'éducation n'a pas été dans ce sens-là, c'est pas naturel, quoi. Faut se forcer un peu et voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais l'arrivée de l'enfant a fluidifié ça de dingue parce que il y a rien qui me régale plus que d'envoyer une photo de ma fille à ma mère ou mon père ou une vidéo de elle qui fait n'importe quoi et puis après d'un coup c'est lancé. Et d'un coup c'est bon alors sinon comment ça va machin et tout et du coup c'est génial. Donc ça à ce niveau-là. Parler de plus être le premier rôle, c'est génial parce que d'abord l'enfant, et puis après on prend un petit peu des nouvelles. Mais et même moi de voir mon frère jouer avec ma fille, lui faire des câlins de comme ça, c'est con, mais j'y avais jamais pensé. Et c'est chouette. Bah oui, c'est trop bien. Et c'est très cool. Donc ouais, ça c'était c'est assez bien. Mais effectivement, félicitations. Les auditeurs et auditrices ne nous donnent pas leur nom quand ils nous laissent des messages, mais j'aimerais avoir ce réflexe de prendre des nouvelles, juste comme ça. Voilà. Je pense à toi, des choses comme j'aimerais ça. J'aimerais avoir une mère en vie. Alors, c'est je suis positif, pas sûr de la... Ah ouais, c'est positif. Ça bah ouais. C'est un désir, j'aurais aimé. Oui, oui. Allez, on va écouter un autre message. Salut les amis, je vous adore depuis longtemps, je vous aime énormément. Je tiens à rester anonyme. Je suis un youtubeur en duo et je... Ça va mon chéri? Oui. Tout va bien? Voilà, si c'est possible de rester anonyme, j'ai deux enfants. deux fils, un troisième en fait. Il m'a l'air d'adorer One Piece, mais je... Habitude adorable. On rentre dans la voiture avec les gars. Et en fait, j'ai animé il y a longtemps une émission de métal. J'adore le métal, je tiens à rester anonyme. Et on met du gros son. Pas vrai, Isaac? Voilà, sur un trajet, que ce soit un trajet de 5 minutes ou là on a fait une heure hier pour aller à Shell, parce que j'habite à Bois-Colombes à la base, tiens, restez anonyme. Je sais pas comment vous dire. Ils choisissent du gros métal, du I Prevail ou même plus ancien, on s'en fout, Bring Me, ou même plus ancien ou plus vénère, Architect, voilà, Architect, bon, bref. Et c'est un moment unique. Je sais pas comment vous dire, juste écouter du gros son avec ses enfants dans la voiture. Désolé, c'était un peu long. Soit bref, bah, je suis pas bref, et Articule, bah, je suis le premier à être chiant là-dessus. Je suis Raph, je tiens à rester anonyme. Oh là là, mais c'est, ça, je sens que c'est pas la première fois qu'il appelle des gens anonymement. Bah écoute, très à l'aise en tout cas ouais. Pour s'exprimer et tout ça. Ah, il après, il dit qu'il a animé une émission de métal. Et qu'il avait un duo. Un duo. Je pense il a que c'est duo. Greg Ludig. Ouais. Non, j'ai choisi ce message déjà parce que c'est quelqu'un de connu, donc autant le mettre dans l'émission. Voilà, et c'est ça. On n'a pas d'invité, mais il y a quand même un petit invité. Non, mais ça fait plaisir parce que pour le coup, bon, déjà. C'était Carlito, vous n'avez peut-être pas compris, c'était Carlito. Et non, mais il a laissé un message. C'est pas nous qui lui avons dit « Eh, laisse nos messages ». Il a laissé un message comme de sa propre initiative et tout. Ils vont venir là bientôt. Ils m'ont dit « Va bientôt les inviter, les deux, ouais. Dans l'émission. Ce sera extrêmement cool. Bah » En plus, oui. On pourra parler du roast et des choses comme ça. Donc bah ça oui, sera... et puis, non, puis ça fait, ils sont venus il y a tellement longtemps. Ouais, David, il est là dans la... première vraie oui. émission. Mais après, ils étaient venus tous les deux avec mais... Pestel et depuis, ils sont jamais revenus. Ouais, ouais. Voilà, ils avaient fait des petits messages. Mais... Entre-temps, ils sont devenus d'immenses vedettes. Voilà. Ils connaissent Macron, c'est plus dire. Ils ont le 06 de Macron. Mais ça quand même pose. Enfin, ça quand même pose. Je suis très fatigué. Ça pose quand même un thème que je trouve intéressant. Est-ce que toi, il y a des chansons et des musiques ? Alors là, c'est un moment dont Raph nous parle. C'est un truc de. Il est avec ses enfants, c'est eux qui choisissent, donc c'est très fort. Mais est-ce qu'il y a des artistes, des chansons qui te mettent dans une attitude positive, mettent bien ? Ben oui, et alors c'est marrant parce que mais le floodcast, mais c'est facile pour nous en fait. non mais en fait ça fait une très bonne introduction à ce dont je parlais tout à l'heure et j'ai dit que j'en parlais plus tard. Mais en gros, donc je suis allé voir Starmania. Et donc je vais en parler maintenant, voilà, et puis après je vais répondre à la question. Évidemment. Donc je suis allé voir Starmania avant-hier à la scène musicale. D'ailleurs, je remercie, parce qu'en plus je sais qu'il écoute le Floodcast, je remercie Baptiste Le Caplan, c'est grâce à lui que j'ai pu avoir des places et que j'ai pu en offrir une. Et ça a fait très plaisir à une personne qui m'est chère. Merci beaucoup. Baptiste. Et c'est la chanteuse chère en plus. C'est la peut chanteuse le dire. Chère. Elle m'est chère car elle est chère à tout elle le monde. C'est son nom. Tout le monde en soi. C'est vraiment son nom. Non. Et moi je connaissais, comme tout le monde en fait, les tubes et tout. Le monde est Stone. Le monde est Stone quand on arrive en ville. Voilà. Je suis businessman. Je rêvais d'un autre ceci, monde. Mais non. Mais non. Ça c'est téléphone, hélas. Ah merde. Mais après, bon, je connaissais un peu l'histoire, mais évidemment, j'avais juste des pièces du puzzle et tout. Et à l'instar de Chris Rock, je me suis pris une claque. non, mais c'était vraiment. J'ai jamais vu un spectacle comme ça, quoi. Parce que c'est vrai que la dernière fois où il y avait eu un spectacle de ce style, tu étais malheureusement sur scène. Oui, c'était voilà. La comédie musicale du Floodcast. Le seul truc comparable, je ne le voyais pas. Ouais, j'avais oui. pas eu de captation, rien. Tu en étais malheureusement l'auteur, donc tu ne pouvais voilà. pas. J'ai pas le recul, tu vois, mais ouais. Non, mais vraiment, déjà, je sais pas s'il y a des gens impliqués dans Starmania qui nous écoutent, que ce soit des chanteurs, chanteuses, mises en scène et tout. Déjà, je vous aide à déménager si vous voulez, parce que c'est fou. Quoi que vous ayez fait dans ce projet, Adrien vous aide. Je vous aide à déménager. Non, mais la mise en scène c'est fou en fait. Tu te dis, je pensais même pas que tu pouvais faire ça sur scène, quoi. Des décors qui bougent, des trucs, c'est hyper beau. Enfin, c'est dingue. Tout le monde chante, mais genre, c'est taré. Oui, mais c'est pas ça, de passer après Balavoine, France Gall, Jeanne Masse, tout ça. Jeanne Masse ? Non, je sais pas. Oui, non, pas du tout. Ouais. Non, mais oui, bah, oui, Balavoine, France Gall, etc. Et non, et c'est fou, tout le monde chante extrêmement bien. Présence scénique de dingue, ça danse, les chorégraphies sont folles. Et l'histoire, même l'histoire de Starmania, en gros, pour faire court, c'est un futur dystopique. C'est d'ailleurs décrit comme une œuvre cyberpunk, Starmania. Ah, il faut savoir que c'est. Genre sur Wikipédia, ils disent un opéra rock cyberpunk. Ouais. Et alors, bon, cyber. Il y a pas tellement de robots et tout, mais non, mais bon, c'est non, un moment. Il y a de la télé, il y a de oui, les. Oui, c'est en fait c'est un truc où en gros tout l'Occident c'est devenu un seul État. Et c'est à la veille des élections pour élire le président de l'Occident. Et il y a l'homme le plus riche du monde qui s'appelle Zéro Janvier qui veut. Très bon blaze. De toute façon, tous les blazes de Sarmania sont vraiment bien. Alors, il y en a qui sont. Zéro Janvier, je trouve que c'est le meilleur nom. C'était la Spotlight. Pas mal. Quand même. Oui, mais je sais pas à quel. Parce que moi, je trouve que Zéro Janvier, il est vraiment bien. Ouais, ouais, bah, moi aussi. Mais bon. Il y a Johnny Roquefort. Johnny Roquefort, tu dis bon. Il y a Roger. Ouais, mais tu vois, bon. Et Zéro Janvier, donc l'homme le plus riche du monde, là, et qui est un mec, en gros, un gars d'extrême droite, en gros, ouais. Hyper, qui veut l'ultra sécuritaire, qui veut la technologie à tout prix, qui veut plus être esclave de la nature, et qui est opposé à, encore un bon blaze, Gourou Marabout. Ah bah oui. Qui veut un retour justement à quelque chose de plus naturel, etc. Et ça pose tous les enjeux écologiques. En gros, ça pourrait être une sorte d'Elon Musk, tu vois, Zéro Janvier maintenant, quoi. C'est un mec ultra riche qui peut tout avoir. Enfin, c'est en vrai, c'était assez visionnaire, quoi. C'était vraiment dingue, quoi. En fait, ce qui est fou, c'est que tu ressors. J'en suis ressorti. Ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Ouais. J'étais vraiment content d'avoir vu ça, hyper ému et tout. Mais alors qu'en fait, Starmania, c'est dépression fois 1000, quoi. Parce que moi, ma compagne y est allée aussi. Elle m'a raconté absolument tout. Je connaissais pas très bien. La preuve, j'ai dit Jeanne Masse, je pensais à Fabienne Thibault. Bien sûr. Parce que j'avais écouté les chansons, mais sans spoiler, la fin n'est pas très heureuse. Non, mais rien n'est heureux. Dès le début, c'est atroce. Ouais. Tout est ultra triste. C'est-à-dire que tous les personnages chantent pour dire qu'ils n'ont pas. Ils ont raté leur vie, qu'ils n'ont pas la vie qu'ils voudraient. Même le mec le plus riche du monde qui est au sommet du monde chante le blues du businessman pour dire j'aurais voulu être un artiste, je sais pas du tout ce que j'aurais voulu. Enfin, personne n'est heureux, c'est la déprime totale. Mais en fait, de voir des gens si resplendissants, brillants sur scène, en fait, ça transcende le côté ultra déprimant du truc, quoi. Et tu te dis, c'est vraiment genre. Je sais pas, c'est l'art, quoi, tu vois, des gens qui, tu te dis, de voir des gens s'exprimer comme ça, de façon artistique et tout, ça transcende la noirceur, mais insondable, qu'est Starmania, en fait, quoi. Non, mais la déprime sublimée dans l'art, c'est vrai que je vois surtout ça dans la musique, mais, enfin, il y a des gens qui ont ça avec Jacques Brel aussi, même au cinéma, enfin, tu vois, il y a des, c'est un truc ça fait du bien de le voir quelque part, comme ça te sort ce que t'as en toi aussi, je pense, c'est un truc un peu cathartique. Au-delà de ça, c'est même juste la performance. Ouais. Tu t'en oublies presque, ça te raconte un truc. Parce qu'en fait, t'es juste. Enfin, moi, en tout cas, j'étais juste touché de voir ces gens qui sont en plus. En plus, ce qui est trop bien, c'est que c'est pas. Il y a pas de gens. Y a pas de chanteurs ou de chanteuses connus. Ouais. Là où à l'époque, il y avait. Alors, remarque, je sais pas s'ils étaient déjà connus avant. Je pense qu'ils ont. Ils ont été quand même plutôt révélés par Starmania. J'ai l'impression aussi, ouais. Qui d'ailleurs, parce que je suis devenu incollable sur Starmania depuis, parce que dès que je découvre un truc... Tu geeks. Non mais Starmania en fait c'est sorti d'abord en album, puis en comédie musicale. D'accord. Parce qu'en fait ils ont fait un album pour voir si les gens étaient chauds, tu vois. Putain. Avant de lancer un spectacle. Oui, parce que je connais pas de cette époque-là. Après il y a eu la grande mode avec Obispo et compagnie, mais à cette époque-là je connais pas de comédie musicale. Non, c'est un des premiers... Un des premiers trucs en français, en fait. Ouais, et à l'époque, tout le monde disait ça marchera jamais en français. Ouais. Même quand l'album est sorti, les gens disaient mais mec, les gens n'étaient pas ultra chauds sur Starmania au début. Bah, comme les gens tu disaient, présentes, en même temps, tu dis quoi, une comédie musicale sur la mec qui a été pris. Ouais, et puis les gens ont écouté l'album, ont dit ça n'a pas trop de sens, l'histoire, on comprend rien, etc. Et d'ailleurs, ça a permis. Bon, je parle de Starmania. Non, et en fait, les gens disaient l'histoire, il y a un peu des trous dans l'histoire, on comprend pas tout, on espère que le spectacle, ça va être corrigé et tout. L'ancêtre des commentaires, l'ancêtre des tweets finalement. Mais sauf que là, du coup, genre Michel Berger et Luc Plamondon, parce qu'ils étaient deux, ils ont rajouté deux morceaux qui sont, je crois qu'un des deux, c'est Besoin d'amour. Okay. Donc qui est un tube de ouf. Je vous la fais. Besoin d'amour, c'est ce dont j'ai besoin. J'en ai besoin comme l'oxygène ou de l'eau. C'est ça, c'est de chanter du point de vue d'une plante. Non, non, mais énorme tube. Et en fait, ça a été rajouté parce que les gens ont dit: ah, on comprend pas bien machin. Je crois que c'est ce tube, ouais. Je suis pas sûr. Mais bref, il y a deux morceaux qu'ils ont rajoutés. Ouais. Et du coup, comme ils se sont dit: bon, ok, les gens ont quand même l'air de kiffer, on fait le spectacle. Okay. Et c'est pour ça que, en fait. C'est pas exactement le même cast dans la version album et dans la version sur scène. C'est pas totalement les mêmes gens. Il y a Balavoine et France Gall, mais par exemple, sur scène, c'était l'acteur Étienne Chicot. Je sais pas si tu vois qui non. c'est. Non, non. Étienne Chicot, est-ce que t'as vu Les Portes de la Gloire? Oui, bien sûr. Et bah, tu sais, c'est le mec qui est un peu vieux et d'accord. qui parle comme ça. Ok, qui, ok. Et, bah, ouais. C'est Étienne Chicot. Lui, okay. lui, il faisait 0 janvier dans Starmania, en fait, ce d'accord. gars. Et la raison pour laquelle on le sait pas. Forcément, c'est qu'il n'y a jamais eu de captation vidéo de Starmania oui, de l'époque. Ça, je sais, ouais. Parce que je l'ai appris justement, c'est pour ça que je sais tout sur Starmania. Ouais. C'est que j'ai passé une journée à essayer de trouver une captation vidéo ouais. pour finalement tomber sur un article qui dit 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Starmania. Et la 2, c'était il n'y a pas de captation vidéo. Ouais. J'étais bien deg. Et pour répondre à la question, pour corriger un peu ce qu'on disait, France Gall était déjà connue puisqu'elle avait déjà okay. fait Poupée de cire, poupée de... Enfin, elle avait déjà oui, fait la rencontre oui. avec Gainsbourg, bien donc sûr. Laisse tomber les filles, Poupée de cire, Poupée de son, Sacré Charlebagne. Tout ça, c'était avant Starmania. Ouais. Mais je... Oui, oui. Mais par contre, ça a révélé Balavoine qui avait déjà fait des trucs. Mais ça n'avait pas cartonné. Non. Et là, ça l'a vraiment révélé. Mis sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, et après, je... il a embrouillé Mitterrand après, on peut le dire. Ouais, mais putain, j'ai regardé. Mais en vrai, je pense que j'adore Balavoine, malheureusement. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a toujours. Et alors là, je monte sur mes. Non, mais vas-y. Non, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu de biopic sur Balavoine. C'est-à-dire que le grand problème des biopics sur les chanteurs, c'est quand ils vivent longtemps. Parce qu'il y a toujours un moment où tu dois les faire vieillissant ou en fin de carrière, ou des moments de leur carrière où ils sont moins bons. Tu veux dire que là, c'est une belle aubaine qu'ils soient morts jeunes? Bah, véritablement, oui. Parce oui, que, non, en fait, et en plus, qui est un symbole de résistance. En tout cas, d'une jeunesse en colère. Et oui, il y a quelque chose à faire, je pense, de très beau et même autour et ben, de. Ben c'est quoi? Bah fais-le, mec. Bah je suis pas assez calé, je suis pas aussi calé que toi. Ouais, bah on le fait. Balavoine, bah on le fait. Le on a, excuse-moi, on a fait une comédie musicale. Ouais, c'est vrai. On a t'as fait vu, Groom. T'as vu Starmania? J'ai vu Starmania. Ah, non, bah, je bon. Me suis fait une petite journée. Tu peux toi-même jouer Mitterrand dans le film sur Balavoine. Ah, alors je peux peut-être jouer Balavoine et Mitterrand. Ah non, putain, en mode Eddie Murphy dans le, dans le, la famille Folda. Non, mais j'invite les gens à regarder cette. Extrait où il se vénère face à Mitterrand, mais, ouais. mais il a raison en plus, parce qu'ils invitent Balavoine pour faire genre le mec qui représente les jeunes, et en fait il y a que Mitterrand qui parle, et ce que j'aime bien c'est qu'il quitte le plateau avant de revenir en disant, et bah voilà je n'ai pas dit un seul mot depuis que je suis arrivé et si j'avais su que je n'en avais pas parlé, j'aurais dormi beaucoup plus longtemps, au revoir, et il se casse, genre le mec il dit j'aurais dormi plus longtemps bah j'aime bien Balavoine. Il avait aussi dit à l'antenne, j'emmerde les anciens combattants. Ah oui, je me souviens avant de ça. De présenter ses excuses oui. et en disant c'était pour dire en fait ce qu'il voulait dire c'était qu'il y avait une forme de comment dire de glorification de la guerre ouais. parfois dans l'admiration envers l'ancien combattant hein, qui disait mais en gros mais je veux pas d'anciens combattants, je veux qu'il y ait plus de guerre en fait bien et sûr. qu'on arrête de tu vois de bon bref ouais. les gens ont fait exprès de pas comprendre mais bien sûr on est team Balavoine ici on est team Balavoine hein. Et, attention et je me suis fait je vais raccrocher les wagons de ta question. du coup j'écoute pas mal de Michel Berger de Balavoine ces derniers jours. Hier d'ailleurs je me suis dit et si je me faisais une petite session Balavoine, et ben bonne déprime aussi Balavoine. Il a vraiment après il y a des trucs qui sont tu sais la déprime mais où c'est tatatin, ça c'est genre méga. Alors ça c'est Renault. Ça c'est Renault, mais... attention. Non, de la déprime, putain, j'arrive pas à trouver le mot, je suis désolé. Glorieuse quoi. Enfin tu vois, ça en fait un peu des caisses et moi ça j'aime bien. Eh ben oui, et justement, tu vois, c'est là, en fait, je me suis rendu compte, parce qu'aujourd'hui j'étais plus dans Michel Berger, qui est aussi pas mal dans la. Même s'il a justement des airs joyeux, c'est souvent parfois assez triste qu'il dit, même des fois des chansons qui sont juste tristes. Ouais. Et je me suis... Oh là là, excusez-moi, mais Francky monte sur un flamme. Non, mais en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'étais vachement touché par ces chanteurs-là de cette époque-là. Parce que, comme tu dis, il y a un côté genre... on est triste, mais c'est comme ça. et qui est un peu, enfin tu vois, je veux dire, ça me parle quoi, disons. Ouais. Et en plus, donc je me suis rendu compte que j'ai, oui, je suis totalement un enfant de cette époque en fait. C'est-à-dire que Starmania quand c'est sorti, enfin non, j'étais pas né du tout, mais plutôt quand Michel Berger quand il est mort, j'avais 12 ans, tu vois, donc ouais. J'ai quand même toute mon enfance entendu du Michel Berger, du Balavoine et tout ça. Et tout ça pour te dire que je me suis rendu compte que quand j'écoutais ces chansons-là, qui sont pas forcément des trucs que j'ai beaucoup écoutés, mais quand je les écoute maintenant, ça me touche particulièrement parce que il y a un truc instinctif qui se fait en moi qui est, c'est la musique qu'écoutaient mes parents en fait. Ouais, ouais. Et en fait, ça a une place dans ma tête, dans mon inconscient en fait. Mmh. Genre c'était un peu en fond sonore de mon enfance sans que je l'écoute. Et je pense que ça m'apporte une joie ou une mélancolie d'ailleurs. Ouais. Enfin, en tout cas, des émotions très particulières parce que il y a quelque chose dans mon cerveau qui fait ah, c'est ce qui faisait ressentir ces émotions à mes parents à ouais. l'époque. Mais sans, je l'avais jamais, tu vois, verbalisé quoi. Mm. Et c'est en écoutant aujourd'hui, je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est que je pense que il y a un côté. Ça me reconnecte avec cette époque et avec mes parents et tout, et il y a un truc très très, enfin ça ajoute une couche de réel un peu sur en plus encore plus quand les paroles te parlent. C'est ce que j'allais te dire. Tu ça te dis mais super, du coup et tu te dis putain mais oui en fait ça te fait reconnaître moi ça, parce que bah je ne peux pas en parler avec mes parents vu qu'ils sont décédés et du coup quand j'écoute des chansons qu'ils écoutaient, je me dis ah bah putain si ça les touchait comme moi ça me touche, c'est qu'ils devaient ressentir la même chose que moi et que du coup ça nous rapproche, tu vois. Mm. Et du coup voilà, pour répondre à la question, c'est quand j'écoute qui me mettent en joie puisque c'est le thème positif. Mm. Non mais quand j'écoute ça me met d'autant plus en joie parce que je me dis ça me rend joyeux et ça a sans doute rendu joyeux mes parents aussi à l'époque quoi, tu vois. Mais donc c'est coup double, j'ai envie coup de dire. Coup double. Mais oui, moi j'ai ça avec la chanson Zidane, il va marquer. Non, pas du tout. Et du coup, j'ai oublié de le faire tout à l'heure quand je disais que Balavoine c'était la déprime. J'ai fait juste un petit florilège de titres de Balavoine. Donc il y a Vivre ou Survivre. Mais ça, c'est une de mes préférées. Parce elle que je trouve qu'elle monte en puissance et à la fin, elle fait juste waouh. À la fin, c'est Freddie Mercury. Oui, oui, quoi, mais c'est non, vraiment... mais. Enfin, vraiment, il est. Enfin, ouais. La voix de Balavoine. Est... Avec la petite guitare derrière. Très non, mais écoutez Balavoine, franchement, ouais. C'est génial. Donc Vivre ou Survivre. Évidemment ultra puissante machin, mais un peu badant quand même comme titre. Bien sûr. La vie ne m'apprend rien. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Qu'est-ce qui pourrait t'apprendre quelque chose ? Et à chaque fois, là, on ne cite que des chansons que j'adore, hein, qui ouais. sont magnifiques. Bien sûr, bien sûr. Tous les cris, les SOS, chef-d'œuvre. Tu vois la question. Bien sûr, tous les cris, les elle SOS. Est ouais. Magnifique. Bon. Pas très joyeux. L'intégralité des cris et des SOS. Voilà, tous. Je vais vous parler de tous les cris, les SOS. Partir avant les miens. Ouais. Donc là, on est sur. Mais il y a. Enfin, les paroles sont très belles. J'ai découvert cette chanson hier en okay. disant oh, dis donc, c'est un peu triste. Mais vraiment, des paroles très belles. Dieu que l'amour est triste. Dieu est venu carrément dans l'histoire. Hein, genre. Vendeur de larmes. Ouais. Qui pourrait être un morceau de rap. Mais qui est en le vrai. Nom de l'album en plus, je crois. Ouais. Ah, peut-être. C'est celui-là où il y a Vivre ou Survivre. Possible. Ouais. Oh, je vous le dis. Oh non, mais le bouquin. Ne m'interrompez pas. Et oui, c'est vrai, c'est le nom de l'album. Ouais. Bien joué. Et bon, ça pourrait être totalement un morceau de Dayam. Ouais. Vendeur de larmes. Non, et voilà. Tout à l'heure, j'écoutais justement Michel Berger parce que je me suis dit, bon, Balavoine m'a quand même mis dans le bad, même ouais. si j'adore. Je vais m'écouter du Michel. Bah, ma montre a décidé de. Ok. Je vais m'écouter du Michel Berger qui est quand même un peu plus funky. Et il a une chanson qui s'appelle Tout est possible. Je me dis, ah bah, positif. Pas mal. Et déjà, donc, un spectacle de Kev et Gad. Et aussi. Ah oui, c'est vrai. Et donc, il chante nanana, tout est possible, nanana. Et à un moment, le refrain, c'est tout est possible, tout est possible. Mis à part d'être heureux, tout est possible. Tu veux, bah merde. Michel, petit fact sur Michel Berger, parce que j'ai dit que j'ai geeké sur Starmania. Est-ce que tu connais le vrai nom de Michel Berger ? Ah non. Michel Jean Hamburger. Voilà, c'est son nom. Mais non. C'est totalement son Michel nom. Michel Berger, il y a Hamburger dans le blaze. Il s'appelle son nom de forêt en famille. Déjà, c'est le titre de l'épisode. Michel Jean Hamburger. Et c'est le nom de le vrai nom de Michel Berger. C'est incroyable. T'es en train de vérifier parce que tu n'as aucune confiance en moi. Mais si, mais ça me régale. Écoute, j'aime bien le lire. Tu peux ne pas m'en vouloir. Il est né à Neuilly-sur-Seine. D'accord. Je connais tout. Il est mort en 1992. Oh là là. Il était sur le point de se séparer de France Gall. Il avait prévu d'aller vivre avec sa compagne de l'époque. Il est mort sous les yeux de Gérard Holtz. Je peux pas te dire putain, mieux. Putain, Michel Jean Hamburger. Voilà. Incroyable. Il jouait au tennis avec la femme de Gérard Holtz. Putain, c'est ouf, hein. Il y a des histoires folles chez les vedettes. Une des trucs qui m'avait quand même le plus déprimé dans l'histoire des artistes qui font des trucs, c'est vraiment Patrick Devers qui se suicide avec le fusil offert par Coluche qui est parti avec sa femme. Ouais, c'est terrible. Là, en termes, et qui derrière fait un film qui s'appelle La femme de mon pote chez Blier, qui parle ou qui devait être Thierry Lhermitte, le rôle de Thierry Lhermitte devait être le rôle de Devers. Ouais, c'est terrible. Une ambiance. Non, mais c'est l'enfer. Extraordinaire. Et donc toi, vivre ou survivre, moi surtout je me souviens parce que je l'ai écouté. Moi en gros j'ai pas du tout grandi avec mes parents n'écoutaient pas vraiment de chansons françaises. Okay. Mes parents, comme tu le sais, sont plus jeunes que les tiens. Oui, puis ils écoutent essentiellement du jazz, Rastafari. En l'occurrence mon père, on nique les vannes aujourd'hui, mais mon père écoutait beaucoup, enfin, il écoute toujours beaucoup de rock et de new wave, quand j'appelais la vague new wave, parce qu'il a 50 ans, donc il écoutait pas en français, il écoute d'ailleurs toujours Indochine, oui. Mais c'est tout quoi. Mais c'est un peu new wave à la française. C'est ça, bah, complètement. Mais il y a Farmer, il écoute un peu. Non, pas du tout. Non, pas du tout Farmer. Mais ouais, Indochine à fond. Et donc, oui, The Cure, Depeche Mode, In Excess, etc., etc. Donc, on n'écoutait pas du tout, enfin, pas vraiment de chansons françaises. Et ma mère écoutait un peu plus, donc Alain Bachung. Donc, bien sûr. On en fait des blagues, mais moi, j'écoutais beaucoup et j'ai un peu ça avec Alain Bachung. D'accord. D'autant que Alain Bachung, je trouve qu'il a une voix. Donc. Un peu comme ça, mais Kermit la grenouille. Non, mais qui est tellement reconnaissable. Enfin, du coup, elle a un impact encore plus fort. Tu vois, il y a une espèce de truc, c'est qu'il y a que lui qui a cette voix-là. Quoi, oui, oui. Mais c'est comme moi avec Renaud. Mon père, il écoutait Renaud à fond, et du coup, le timbre de la façon de chanter de Renaud. C'est ça. Il y a un impact direct, quoi. Donc moi, j'ai découvert toute cette vague Berger. Même, alors, ça n'a rien à voir, mais c'est français. Gainsbourg, Souchon, tout ça. Moi, j'ai découvert. J'avais déjà 20 piges. Ouais. Mais j'en ai aussi, du coup, des souvenirs très précieux parce que c'est la relation aux paroles, tu parlais des paroles. Ouais. Et par exemple, vivre ou survivre, je me souviens, alors c'est très con, hein, maintenant j'ai mûri, c'est une évidence, mais je me dis, oh putain, c'est enfin une chanson qui dit c'est fou d'être triste alors qu'il y a de la misère partout dans le monde. C'est un peu ça qu'il dit, c'est terrible, j'ai plus les paroles exactes, mais il y a des gens qui meurent de faim, mais si tu me dis pas je t'aime. Je pense qu'à ça, quoi, tu vois. Oui. Et c'est la grande force, je trouve, des chansons comme le stand-up où tu dis oh, c'est trop vrai. Quand en plus c'est dans temps, une grande, dans une instrumentale incroyable, c'est vraiment. Ah oui, et juste, je cite les paroles de Balavoine dans Partir avant les miens. Il dit: j'ai souvent souhaité de partir avant les miens pour ne pas hériter de leur flamme qui s'éteint. Très très dur, mais très beau. Balavoine, ça? Ouais. Partir avant les siens, avant les miens. Pardon. Bah, il l'a fait, hein, du coup, cool. Il l'a fait, mais c'est un homme de parole. Malheureusement, ouais. On a parlé. Je pense que j'ai un peu. J'ai parlé de tristesse et tout. Je pense qu'il est temps de savoir si on est positif ou pas, Florent. Ah, bah alors vas-y, carrément. On va faire ce test. Alors, et après, on pourra lire des conseils pour comment être positif si jamais il s'avère qu'on l'est pas. Putain de pub de merde. Alors, lorsque je fais quelque chose de mal, j'ai tendance à avoir le courage de l'admettre et d'en assumer les conséquences. Ce que tu dirais que t'es plutôt... Alors, c'est soit au milieu, c'est-à-dire ni oui ni non, soit... Après, il y a 3 degrés vers le non ou 3 degrés vers le oui. Ni oui ni non, je dirais ni oui ni non. Ni oui ni non. Oh non, j'assume pas toujours. D'accord, ok. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de personnes gentilles dans la société et qu'une bonne amitié peut s'établir entre les gens. Bof. Ah ouais, moi je dirais oui, moi je pense. Toi tu dis oui, ok. Moi je pense qu'on c'est un peu ce que disait Marina Foïs dans Click à propos de la polémique Omar Sy. Ouais. Elle dit on entend les cons en fait, c'est les plus bruyants, mais en vrai je pense que il y a énormément de gens gentils. C'est juste que en fait le truc c'est que sur la route s'il y a un accident, tu vas dire oh putain, il y avait un accident. Tu vas jamais, après un trajet, dire putain, il y avait zéro accident, ou toutes les voitures elles roulaient, tu vois. Oui. Donc c'est toujours le truc négatif qui va te. Mais c'est rare que tu t'arrêtes quand il y a un accident, pour reprendre ton image de l'accident. Non, mais c'est pour dire que, en fait, quand une chose se déroule bien, oui, tu ne le remarques pas en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais pas, je suis peut-être moins positif, mais j'ai. On va peut-être découvrir que je suis plus positif que toi. C'est possible. Toi, tu dirais bof, genre au milieu, quoi. Ouais, au milieu. Moi, ah, je sais pas. T'es un grisâtre. Mais moi, je suis fade. Hein. Je suis du grisâtre. Alors, lorsqu'il s'agit d'affaires officielles ou face à des intérêts collectifs, je peux être désintéressé. Oh non. Non, je peux. Oh ouais, non, moi, je m'intéresse. Non, non. Non. Non, tu. Je suis intéressé, je sais pas. Bon, allez, je mets ça. De toute façon, on s'en branle. Quand j'ai des problèmes, je les affronte toujours seul et je demande rarement de l'aide. À fond. Je sais pas si c'est très positif ça, attention. Ah, mais je sais pas. Ah, ouais. Donc toi, tu dirais oui. Souvent, c'était chiant dans les magazines. Tu sais, oui, t'avais les tests, tu sais. Dis oui, bon, visiblement, faut dire triangle pour être ouais, super. Oui, c'est ça. Ouais. Non, franchement. Êtes-vous colérique? Quelqu'un renverse un verre, vous retournez la table de rage ou vous lui dites ce n'est pas grave, on va juste essuyer. Oh, plutôt la deuxième. Ouais. Bah écoutez, vous allez être surpris, vous n'êtes pas colérique. Waouh. Donc tu dirais que ah non, oui, moi je demande jamais de conseils à personne. Donc vrai je, à fond, ah ouais, moi je, c'est même un problème que j'ai, c'est ah un ouais. truc que ma compagne me reproche parfois, je parle pas assez de ce qui m'embête. Je pense que c'est peut-être aussi un problème masculin peut-être. C'est possible. Aussi. D'éducation d'ailleurs, aussi. Et moi aussi. Et de l'éducation peut-être. On en parlait avec non mais le côté masculin, c'est de l'éducation, c'est aussi. Mais j'ai discuté avec Robinson Latour, il revient dans ce podcast. Et merde, où je voulais en venir? Oh là là, terrible. Demander de l'aide. Oui, je demande jamais d'aide, mais en même temps, je suis le premier présent quand on m'en réclame. Donc j'ai un truc. Et l'autre truc, c'est que je trouve que le métier qu'on fait là, d'écrire et de réaliser des histoires, c'est aussi un peu une façon. Je sais que c'est un peu cliché, mais moi, ça marche vraiment sur moi de dealer un peu des problèmes. Alors déjà, le podcast. On parle quand même beaucoup de nos problèmes. Alors des fois c'est des tout petits trucs de merde qui nous embêtent au quotidien, mais mine de rien on parle. Ouais. Alors que moi je parle pas trop dans la vie. Et pareil, le fait d'écrire dans une room sur des scénarios ou des trucs de comédie, etc., c'est aussi échanger, discuter, parler de soi. C'est pour ça moi je me sens pas le besoin de faire une thérapie. Je dis pas que écrire des scénarios en place de thérapie, loin de là, mais c'est vrai que j'ai pas la sensation de garder des choses pour moi. En revanche, c'est vrai que. Fais une thérapie. À part dans l'écriture et de la création, je ne demande jamais d'aide à personne. Fais une thérapie. Je ne demande personne, en fait. Je pense souvent aux choses du point de vue des autres. Oh, je crois. Hein. C'est un peu horrible de dire oui. Mais. Bien sûr. Un peu, oui, si, quand même, je crois. J'essaye, mais des fois, je suis maladroit quand même, donc je ne saurais pas. Oui, mais après, c'est pas forcé. On dit pas forcément, je comprends parfaitement. Ouais. Ça, c'est juste de n'importe quoi. C'est les gens qui. Oui, voilà. Ouais. Ok, bah oui, alors. Donc, oui. Mais moi aussi, franchement. Peut-être, encore une fois, peut-être trop parfois. Ouais. Je me dis, ah, j'espère que je vais pas les déranger, je vais plutôt rien faire. Ouais. Et que les gens disent, pardon, qui es-tu? Ouais. Rien à foutre. Je ne savais même pas que tu existais. Je peux savoir ce que je veux vraiment et agir en conséquence. Ah, moi, non. Ouais, moi, oui. Bah, toi. Pareil, c'est relou. Ça veut dire quoi? Je suis désolé, je suis le pire pour faire des tests. Savoir ce que tu veux vraiment, je sais pas si je veux toujours. Enfin, si je sais toujours ce que je veux vraiment. Toi, je pense mais que. Quand je veux un truc, je sais que j'agis pour l'avoir. Ouais. Oui, toi. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est totalement logique. Ouais. C'est vraiment le point sur lequel on est assez différent. Ouais. C'est que moi, je suis à me poser 1000 questions et à me dire, j'y arriverai pas, je vais pas le faire, machin. Ouais. Alors que toi, tu fais les moi, trucs. Moi, je fonce, il y a un mur dedans, mais je fonce. Oui, mais c'est. Pas grave, parce qu'une fois que tu t'es relevé et que tu t'es cassé quelques dents, tu le contournes le mur, tout simplement, fou, ou tu le grimpes. Tu me parles, j'ai une dent pétée, c'est quand même dingue. On va le faire de ton point de vue, mais moi, effectivement, moi, c'est là-dessus, je suis à gauche, quoi. À gauche, c'est là où il y a faux, oui. Je veux dire. Je suis pas à droite. Oui, tu es d'extrême droite, donc du coup, c'est le test. Hein. Ah merde. Oui, pardon, je t'ai pas. Aïe. Je peux savoir ce que je veux, donc oui, vrai, allez, on met vrai. Lorsque je m'entends bien avec les gens, je pense inconsciemment aux autres. Je ne comprends pas la question. Je comprends pas du tout. On va dire ni oui ni non. Ouais, attends. Bah ouais, lorsque je m'entends bien avec les gens, je pense inconsciemment aux autres. Je pense que ça veut dire juste, t'es généreux instinctivement. Oui, bah alors ce cas-là, oui, mais vu que je comprends pas la question, peut-être mettons ni oui ni non. Ouais, j'ai mis un petit oui. Un petit oui. Je suis prêt à dépenser mon énergie à écouter les problèmes de mes amis et à les aider à se sortir d'un mauvais pas. Alors, Oui, mais l'âge et l'expérience me fait me dire quand même jusqu'à un certain point. Ça s'appelle avoir des barrières. Et c'est ouais, mais très je les avais moins avant. Oui, et elles arrivent de plus en plus vite. Quand oui, même. Mais c'est pour dire que. Non, mais parce que tu dis ça, genre, oui, mais avec l'âge, mais c'est un signe de sagesse, en fait. Ouais. C'est une bonne chose, justement, de se mettre des barrières. Et même moi, j'ai même encore du mal, mais ouais. J'ai aussi, justement, pris cette habitude de genre, non, là, c'est trop. Voilà, ouais. Tu vas rester derrière cette barrière. C'est peut-être de l'égoïsme. Mais l'arrivée de la famille, moi, m'a aidé. C'est-à-dire que d'un coup, vu que tu dois gérer ta compagne et ton enfant, c'est vrai que quand parfois d'autres personnes de ton entourage demandent trop, il y a un peu un truc de bah, toute façon, en fait, c'est simple, il y a un camembert de temps et tout ce camembert-là a été pris, donc il n'y a plus beaucoup de reste de camembert à t'accorder, donc je préfère l'accorder à des gens. Plus, c'est pas de l'égoïsme, en fait, c'est juste que, quelle que soit la situation, il y a toujours toi et le reste de tous les gens qui t'entourent. Donc forcément, si tous les gens qui t'entourent te prennent un petit peu d'énergie, enfin, si tu les autorises. Ouais. Tu n'en as plus au bout d'un moment, quoi. Et c'est un peu le problème de... Enfin, toute la problématique de la célébrité, et de... Tu vois, les gens qui... C'est vraiment pas aussi grave, mais tu vois, les gens qui disent « Oh, l'autre, il m'a bloqué pour une vanne. » Oui, parce qu'en fait, c'est la 500e personne qui fait cette blague de merde. Et en fait, il faut des fois se dire « Oui, en fait... il y a une personne face à une foule, quoi. » Tout à fait. Et donc, si chaque personne... tu vois, c'est... Bon, après, là, j'allais extrapoler sur... tu vois, souvent, il y a des gens extrapoler, qui... Extrapoler, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bah, positif, ça. Très positif. Non, mais tu sais, c'est comme les gens qui... Je dis pas que je me fais harceler quand les gens font des blagues. Au contraire, je suis vraiment très chanceux là-dessus. Mais les gens qui harcèlent et qui disent « Ah, ça va, j'ai envoyé un message. » Oui, mais un message... Chaque personne, peut-être, a envoyé un message, sauf que vous êtes 5000 à l'avoir fait. Genre les vannes sur Lena Situation, puisqu'on parle de polé-polé. Ouais. Quand je ne saurais même pas citer un truc ou une occasion où elle s'est fait harceler. C'est vraiment juste chaque connard qui s'est dit « Attends, je vais quand même faire ma blague. » La même blague d'ailleurs à chaque fois. Ouais, vous êtes vraiment, si c'est vraiment pour refaire la même blague, abstenez-vous. Vous êtes une insulte à l'humanité et à l'humour. Donc, ou alors reprenez un concept américain qui s'appelle le roast et mettez toute votre rage là-dedans en termes d'écriture. Oui, mais et là, comme ça, et touchez un énorme chèque pour le faire, et comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Après, le principe du roast, c'est que la personne est consentante, la personne qui fait. Oui, c'est la petite différence. Voilà, c'est la différence entre le harcèlement et le roast. Voilà, on vient de l'expliquer. Non, voilà, et du coup, c'est. En fait, oui, et c'est pour ça que c'est important. Alors, évidemment, dans le cas du harcèlement, tu peux pas poser de barrière parce que les gens sont malfaisants. Mais justement, quand c'est dans ta vie privée, bah, tu mets des barrières parce que tu dis, bah non, parce qu'en fait, là, ça va commencer à me porter préjudice à moi. Et en fait, bah, si moi je suis pas bien, en fait, je vais pas pouvoir faire du bien aux gens autour de moi. Donc en fait, c'est pas du tout de l'égoïsme. C'est plus. Enfin, tu vois, c'est comme si on disait tu peux babysitter mon enfant et ça fait deux jours que t'as pas dormi. Bah, si tu dis oui, tu mets l'enfant en danger. Quoi. Exactement. Alors que tu vas dire bah écoute, non, je peux pas parce que je suis fatigué, je vais dormir, je le ferai une autre fois. Bah, t'es une merde. Et voilà, je suis une merde. Ouais. non, mais je comprends. Enfin, je sais pas si c'est positif, mais. Je suis pas sûr, hein, en vrai. Je crois pas. Sauf si tu dis que je suis un engrais qui fait pousser les plus belles fleurs. Non, merde, merde. Juste tous les aspects négatifs de de la merde. Aucun positif. C'est pas très positif. Juste l'odeur. D'accord, bah, je te confirme. Francky ? Bah elle, la merde, elle la déguste. Elle la donc déguste. Tu vois, pour elle, c'est très positif pour elle. Comme un mets. Elle mange que de la merde humaine. Ah ouais ? Elle a quand même son petit... Oh, putain. Ah oui, et elle distribue des étoiles Michelin au passage. Moi je suis prêt à écouter effectivement les problèmes et j'ai moi je sais pas toi. Alors moi c'est aussi peut-être parce que je me confie beaucoup souvent, mais du coup les gens sont assez à l'aise avec le fait de se confier à moi, même des gens que je connais pas du tout. Ou des fois je suis genre oui, bah là encore une fois, tu vois, c'est encore une fois mettre des barrières, c'est-à-dire que il y a des gens qui même me confient des trucs durs, mais si j'engage une conversation avec tous les gens qui se confient à moi, je te consume sur place. Oui, voilà, c'est fini pour moi déjà, je sais pas. donc voilà, c'est pas du mépris, c'est pas je n'ignore pas les gens, c'est juste je me préserve. Ouais. Mais en tout cas les gens que je connais bien ou pas si bien se confient souvent et je les écoute avec plaisir. Donc vrai, on va dire vrai. Allez. J'ai un sens, alors c'est encore une fois là, je pense, un sens aigu du but à atteindre. Oh putain, je sais pas. Sens aigu, c'est peut-être un. Peut-être, ouais. Ouais. Bah, cela dit, oui, le but à atteindre, moi, je. Non, en vrai, non, j'ai pas. Je... Mais après, moi, je suis pas fan de cette question parce que je trouve que. J'ai un sens aigu du but à atteindre. Genre, du but ultime, genre, plus j'sais important pas. Que l'autre. Moi, je trouve nul cette question. Ouais. Bah, viens, on répond pas. On répond pas. Non, mais en plus, je trouve que c'est pas forcément. Justement, positif. Alors, peut-être que c'est là où justement, c'est là où c'est malin, ouais, c'est du piège. Non, mais, en fait, ça peut être. En fait, il y a des situations où. Avoir un objectif, c'est très bien, mais il faut pas non plus en faire une nécessité. Ouais. Tu vois, des fois, tu peux te dire non, bah c'est bien là, j'ai pas besoin d'avoir un but. C'est un peu ce qu'on disait souvent sur les youtubeurs qui ont toujours besoin de faire plus, d'avoir un nouvel objectif et tout. Puis Everest, puis Mars. Ouais, ou tu peux juste, je sais pas. Ouvrir des cartes Pokémon. Ouais, mais tu peux faire ce que tu sais faire bien et c'est cool et t'as pas besoin de te surpasser. Et c'est cool aussi en fait. C'est pas, en plus, c'est pas forcément. Enfin, tu dis, nous, le Floodcast, tu dis, c'est le truc sur lequel on s'était justement fixé le moins d'objectifs, en vrai. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, et c'est bah, en tout cas, moi, le truc que j'ai fait qui marche le plus. Et je pense que c'est pas. Ça n'est pas étranger à la réussite du truc. C'est aussi parce que quand tu te fixes pas d'objectifs et que tu n'as pas une idée préconçue de ce que le truc doit être, bah, tu lui donnes la possibilité de devenir. De se fabriquer avec avec ce que les gens comment les gens le reçoivent et comment toi t'évolues et tout quoi. Donc, même si des fois il faudrait quand même qu'on fasse gaffe et je tiens à présenter d'ailleurs mes excuses sur les qualités sonores des fois des derniers épisodes, il y a eu 2-3 merdouilles. Alors il y en a quand même quelques-unes qui sont vraiment indépendantes de notre volonté, je pense au live où il y avait un petit son le dernier notamment où on entend ça, des gens qui parlent où on entend quelqu'un au son qui a pas dû couper, je sais pas si c'est un truc fantôme ou un oubli de couper quelque chose. Positif Adrien. De façon très positive. Et donc voilà, désolé, on peut pas tout mettre sur le dos de la bonne franquette et des fois je le fais un peu trop. On fait vraiment ce qu'on peut. Moi je suis nul en mix et c'est vrai. Alors pas moi parce que je suis DJ. Oui, c'est vrai que je suis DJ. Mais ça fait partie, je crois encore un peu du côté homemade et que oui, je pourrais filer ça à quelqu'un qui monte et qui mixe. Et ce serait homemade. Homemade Simpson. Je rigole. Oui, bien sûr. Pourquoi je me priverais en fait. Homer en fait. Oui, Simpson. Voilà. Ouais. Bon, on va dire sens aigu du but à atteindre, on met au milieu. Il y a nique-toi. Mais... Voilà. C'est pas ça si pour c'est moi. Très positif. Le truc du milieu, c'est nique-toi. Pour les choses que personne n'ose essayer, je suis prêt à être la première personne à en faire l'expérience. Pas du tout, moi. Moi, un peu, je pense. Enfin, oui, moi, en fait, je suis assez. Toi, t'es curieux. Je suis curieux et j'ai aussi. Un peu, je suis un peu motivé par les trucs qui n'ont aucun sens. T'es épicurieux, t'es un peu Jamy Gourmand. Jamy Gourmand, il est épicurieux. Il l'a dit, hein, donc t'es épicurieux. Non, mais par exemple, DJ, par exemple. Non, mais ce qui m'a motivé, c'est que ça n'a aucun sens, moi, DJ, tu vois. Alors que si on me propose un truc qui est plus dans la lignée de ce que je fais, je vais peut-être plus facilement refuser. Douter, ouais. Alors que là, je dis, bah. Ça n'a aucun sens. Ok, bon, je le fais. Moi je pense que. Je me mets pas de barrière. Moi j'aime bien tenter plein de trucs et faire plein de choses différentes. Après, être le premier à me lancer, nani, nana. Non, mais est-ce que tu. Je me mettrai en ni oui ni non, moi encore sur celle-là. Ouais, ok, ni oui ni non. Bon, moi je me serais plus mis du côté du vrai. Ah, mais je suis d'accord avec ça. Moi je pense que toi beaucoup plus. Ok, allez, ni oui ni non. Même t'achètes tous les derniers petits gadgets, tu fais des trucs. Ouais, non, mais ça c'est parce que je comble un grand vide dans ma vie en achetant des choses. Non, non, c'est pas que ça. Non, il y a vraiment, il y a un truc de, il y a un truc où t'y vas, toi. Moi je suis très pépère. Hein. Moi je suis vraiment. J'aime pas. Je suis très boulot. Je suis très travail, famille, patrie. Non, pas du tout. Je suis très, j'aime bien mon petit confort et je suis pas quelqu'un qui essaye. Oui, moi aussi, trucs, mais moi, en fait, le truc c'est que là, moi, je suis doué dans 2-3 trucs et j'aime bien aller à fond de ces 2-3 trucs. Après, tenter d'autres choses, des machins, des trucs, c'est pas ma grande, tu vois. Oui, mais moi aussi, je pense que c'est aussi. Je suis à fond dans les trucs qui n'ont pas forcément de conséquences et qui vont être, tu sais, très temporaires et dans l'immédiat, quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ce DJ set, j'essaie de le faire du mieux que je peux. Si je me foire, ça aura zéro conséquence sur ma vie. Alors que quand c'est des trucs qui me tiennent à cœur. Et c'est là où on est différent. C'est que moi, je me chie plus facilement dessus à me dire ah mais si je me rate, ah mais il faudrait que je fasse plus comme ça, ah mais peut-être que les gens ils attendent que je fasse ça. Et du coup, je mets beaucoup de temps à me lancer dans des projets perso et je suis vachement freiné par le doute. Alors que des trucs sans conséquences, genre comme tu dis, je fais là oui, je suis plus aventureux. Et parce mais que... la différence, pardon, excuse-moi, je voulais pas te couper, mais la différence, c'est que même les trucs sans conséquences, tu te donnes à 300%. Moi, ça, alors... c'est quelque chose que je suis très admiratif chez toi. Ah, c'est cool ça. Non, mais oui, c'est vrai. Ça, par contre, moi, je suis effectivement de l'école de. Si tu fais un truc, faut le faire bien, ça n'a aucun intérêt. Attention, de... des fois, ça fait un peu de bruit quand tu tapes dans ton. Je pense pas. Ah ouais, ah, je connais. Pardon. Je sais pas. Non, enfin. J'avais l'impression. C'est positif. Je l'ai lu. Lorsque les intérêts collectifs et les intérêts personnels sont en conflit, je sacrifie mes intérêts personnels. Ah bah oui. Moi aussi. Et c'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs. Non, bah non, mais pas oui, du tout. Ouais. Mais oui. Oui à fond, oui. Voir la santé. C'est intérêt personnel ou juste survie. Tu vois mais moi, ça, je passe beaucoup en second. Hein. Ce qui contredit totalement le truc qu'on disait sur les barrières de tout à l'heure. Mais... Ben ouais, ouais. Mais, non, mais, en fait, il y a les gens et les choses. Enfin, je sais pas comment dire. Des fois, je trouve qu'un. Là, bon, je vais mettre les pieds dans le plat. Sur les projets, moi, j'ai vraiment ce problème. Il y a des choses que j'aimerais, dont j'aimerais qu'elles se fassent et machin, et je peux me dire, non, mais vas-y, faut pas lâcher, faut pas lâcher. Mais plus le temps passe, pareil, hein, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est une chimère un peu. C'est-à-dire que ça peut vraiment te consumer et jamais s'arrêter. Enfin, c'est comme si tu devais remplir une piscine avec un gobelet, quoi. C'est-à-dire qu'à des fois, tu te dis, ça n'a pas de fin. C'est-à-dire que t'avances. Ouais. Mais des fois c'est juste trop gros quoi et que ouais. Et quand ce qui est terrible en plus dans nos milieux artistiques c'est que tu peux beaucoup travailler sur un truc qui au final se fait pas, il y a un truc où tu te fais un peu par-dessus la jambe, bah c'est le truc qui va se faire. Ouais, enfin, ouais. Donc du coup tu fais tout à fond, enfin moi je sais que je suis quand même quelqu'un qui fait tout à fond et mais ça peut un peu fatiguer quand même. Ouais, bah, donc oui, ça c'est faut faire attention mais c'est plus sur les choses que les gens. OK. Mais ah oui, complètement. Ouais, je sais pas si on est vraiment dans la question là dans ce qu'on a dit. Ah ouais. Les intérêts collectifs, est-ce que c'est vraiment genre la communauté, genre la société, enfin tu vois, est-ce que c'est un peu... c'est ça. Je sais pas. Est-ce que c'est genre tu vois je vais dire n'importe quoi mais est-ce que c'est genre tu prends pas l'avion parce que ça pollue, tu vois. Ah bah on met un petit oui quoi. Un petit oui ouais. Parce qu'en vrai je suis pas du tout exemplaire tu vois. Genre. Non mais tu vois faut c'est bon. Bah après moi je suis vraiment faut qu'on arrête avec cette diabolisation non, des petits gestes. Non mais de vouloir que les gens soient parfaits en fait. Oui c'est ça. Oui enfin c'est pas ça c'est très internet aussi. Enfin c'est très le débat d'internet. Qui est toujours d'accord, ok, tu fais ça, mais t'as fait ça, donc ta gueule, oui. Bah, super. Oui. Et puis même moi qui suis vegan, c'est vraiment chez les vegans, c'est les gens qui vont regarder si un ingrédient il vient pas de telle forêt ou ils ont peut-être potentiellement coupé la branche sur laquelle il y avait un oiseau et du coup c'est pas vegan, tu fais bon, c'est plus un truc d'ego. Ils nous font chier ces vegans de toute façon. Non, mais tu vois, il y a un moment où c'est plus. Ton ego et ta volonté de taper sur les gens qui rentrent en jeu plus oui, que ton implication dans la cause en fait. Peu, oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Des fois c'est genre oui bon bah, là t'es en train de chercher un truc, c'est le problème il est ailleurs que dans la cause tu vois. Ouais. En fait bon bref bon allez on se teste. Quand ça nous permet de parler de nous c'est bien. Quand je vois les autres souffrir bon là pour le coup on est je pense que je fais souvent des efforts pour les aider. Oui, mais je trouve que j'en fais pas assez. Ouais, moi aussi. Des fois, je suis un peu terrorisé. Des fois, j'ai des amis qui vivent des trucs forts. Et en fait, ça, c'est aussi, je pense, mon problème de pas en parler quand moi je vais pas bien. Où je me dis bêtement que eux, peut-être, ont besoin d'être tout seuls. Alors que c'est très bête, il suffirait de proposer et eux décident de dire bah oui ou non. Ouais. Mais parfois, j'ai un peu un truc. Je sais pas encore si c'est de la lâcheté ou de la pudeur. Je suis un peu entre les deux. Peut-être un peu des deux. Sûrement un peu des deux. Mais il y a un truc, ouais, ou pas assez, je pense. Ouais, moi aussi, pas assez. Mais après, pour avoir été souvent la personne qui aurait bien voulu que les gens tendent la main, c'est beaucoup de gens qui sont comme ça, apparemment. Ouais. C'est-à-dire, bon, bref. Donc, effectivement, oui, mais pas assez. On va dire un petit oui, quoi. Un petit oui. Lorsque je rencontre un échec ou une situation difficile, je peux rapidement ajuster ma mentalité et recommencer. Mais on dirait un peu un truc pour le d'objectif millionnaire, ton test en fait, pour les trucs de winner. Bah après, le tout le truc ouais. du positif, ouais. Mais c'est là, ça va être le twist de l'épisode. On va parler de la positivité toxique. C'est quoi des deux incels Rappelle-moi la question, pardon. Lorsque je rencontre un échec, je peux rapidement ajuster ma mentalité et recommencer. Oui. Oh oui, ouais, toi oui, fond. Moi beaucoup moins, je pense. Ouais. Quoique, je sais pas. Bah là, en sur fait, le gros projet dont je peux pas parler, c'est que ça depuis 4 ans. J'ajuste. Et ouais, moi je me. Ouais, non, moi je me bats pas vraiment assez pour. Je pense que j'ai. Bah, en vrai, par exemple, je peux te dire le mec qu'on écoute jamais dans les films. Ouais. Je pense que ça aurait pu être un programme court si j'avais été un mec qui a la niaque et qui harcèle. Oui. Pas le terme, mais qui tape aux portes en tout cas de toutes les boîtes. Non, mais puis même à l'époque, c'était Golden Moustache qui avait les droits. Ouais. Je pouvais juste leur. Moi, tout ce que je pouvais faire, c'était leur dire allez, venez, on essaye d'en faire un truc. Je l'ai fait un peu, ça n'a pas marché et j'ai vraiment vite baissé les bras. Mmh. Alors que ça aurait pu, je pense, devenir. Mais même, ça aurait pu, à faire, minima, une bonne ça aurait pu faire une bonne pub Amazon, en tout cas, avec des cadeaux. C'est ça. D'ailleurs, je précise, parce que j'ai reçu quelques messages qui disaient oh putain, c'est le mec qu'on écoute jamais dans les films ou quoi. Alors, oui, et on m'a proposé le rôle et je l'ai décliné. Ouais. Parce que je me suis dit que être vegan et faire de la pub pour de la bouffe non vegan, c'était pas très cohérent. Après, on a fait des pubs pour chacun des trucs. Fait ce qu'il veut. Non, mais après, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, sur le moment, ça m'a paru pas cohérent. Après, j'ai sans doute fait de la promo pour des trucs qui sont pas forcément 100% en accord avec mes idées. Et voilà. D'ailleurs, on remercie l'armée de terre qui nous a sauvé cette émission. Merci beaucoup. Ouais. non, mais voilà. De toute façon, on prend les décisions au moment T. Et voilà. On est que des humains, on sort tous d'une chatte. Mon pauvre ami. Sauf quand t'es né par césarienne. Ah oui, c'est vrai. Ouais, putain, je suis cancel, ça y est. Ça y est. Ah merde, putain, ça y est. Ça m'a surpris. Donc toi oui, toi oui. Oh, donc je vais mettre un bon vrai. Un et bon moi, gros, oui, ouais. Moi ce serait plutôt non. Quand je vois des injustices et des méfaits voilà. Dans la société, je me lève. Alors moi franchement. Bah oui, toi oui. Non mais moi, oui. Tu pourras pas le dire toi, mais en vrai oui, quand même. Mais pas vraiment. Non mais après. De moins en moins parce que t'es fatigué. Mais non mais genre. Alors je vais dire un truc. C'est juste que je en fait faire une story pour dire oh c'est scandaleux, pour moi c'est rien. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent putain je suis quand même hyper engagé et ça n'est c'est rien, je veux dire c'est en termes d'engagement c'est le truc le plus facile à faire, donc même moi quand je parle sur des trucs c'est zéro quoi, enfin genre mais moi qui ai pris le métro avec toi ou qui a fait des soirées avec toi quand des fois ça crie un peu et machin. Tu te redresses souvent et tu veux voir tout de suite ce qui se passe. Tu as quand même une facilité à faire ces choses-là. Parce que oui, plein de gens, et surtout à Paris, ne font pas. Voilà, donc. Non, bah, c'est pour ça que non, oui, mais je dirais un petit oui pour moi, mais. Moi, oui, alors un petit oui aussi. Oui, mais. T'as alors, insulté pas une vieille, c'était quand même bien vu de ta part. Ça, oui. Un petit oui. Un petit oui. Non mais en vrai, je pense qu'en vieillissant, je suis un peu plus courageux justement sur des trucs où quand je vois des trucs qui se passent, j'interviens. Mmh. Après, je flippe aussi parce que je suis vif. C'est une flippette. Je suis vif et agile malgré mon corps chétif. des fois je flippe, mais ouais. Des fois j'interviens, mais ça reste un petit oui pour moi. Je fais pas grand chose quoi. Ouais. Donc petit oui. Petit oui. Petit oui de The Boys. C'est sorti ce truc? Non, je crois pas. Eh bien, ça bug, j'ai l'impression. Ah, il y a une terrible fin pour ce test. Oh, quelle horreur, on va pas avoir le résultat. Oh, viens, on fait un petit bac à la place. J'adore. On fait un cracklist. On fait le jeu du post-it, allez, on s'en bat les couilles. Oh non. Est-ce que vous voulez recommencer là où vous étiez arrêté? Oui. Ah, attends. Oh. Pour moi, pas mal. La pression est ce qui me fait avancer. Un peu, mais c'est pas ça vraiment. Non, franchement. Mais en même temps, oui, la pression me fait avancer quand même. Si tu me dis pas oui, fini oui. Demain, bah oui, je vais peut-être le faire après-demain. Mais dire genre que c'est ça mon moteur, non quoi, loin de là. Non, non. Donc un petit oui encore. Petit je suis très petit oui, moi, hein, vous savez. Un petit oui, toi. T'es un moi, je suis très petit oui. T'es un petit kiwi. Bon, alors là, il y en a un. Alors, non, mais justement, il est intéressant. Je me plains rarement dans la vie. Non, mais. Moi, c'est un petit non. Un non, petit si, non. Si, moi, je me plains. Si, si, je me plains quand même. Mais tu te plains vraiment ? Je sais pas. Oh. Parce que je trouve qu'il y a une différence entre râler et se plaindre. Ah. Parce que. Non, alors je râle beaucoup. Je pense que. Je sais pas. Plaindre, moi je trouve qu'il y a un truc vraiment genre. C'est pas juste parce que moi on m'a dit qu'il y a un petit jugement en tout cas sur les gens qui se plaignent, visiblement. Non, mais moi mon problème c'est que surtout oui, mais... je garde, comme je disais, je garde beaucoup. Et des fois, telle face à une vieille par exemple qui manque de respect à une femme enceinte, je pète un peu. Enfin, ça, voilà, ça prrr, un petit peu quoi. Donc ça c'est chiant. Parce que moi, ma meuf par exemple, elle est témoin de trucs des fois quand je suis en bagnole, genre un gars me fait chier ou un truc comme ça. Ou d'un coup, il y a une espèce de violence beaucoup trop extrême. La voiture, c'est horrible, cela dit. Hein. Mais il y a même pas une espèce de. Moi, je suis pas quelqu'un qui hurle du tout, mais je dis des choses qui sont. Mais même, on dit. Enfin, c'est un fou, c'est le Joker, plus ou moins. Bah, tu dis. Par exemple. Non. Un petit point de montage. Un petit bip. Un petit bip. Non, mais je souhaite des choses à des gens, mais tu sais, c'est vraiment. Je suis vil coyote, quoi. Il y a vraiment un plan pour faire du mal à quelqu'un et j'ai besoin de le dire à haute voix et ça me fait aller mieux. Tel un vrai psychopathe, hein, terrible. Oui, mais après la voiture, c'est. Non, mais voilà, mais bon, donc. Après, c'est se plaindre, le truc, c'est pas insulter les gens, là. Oui. Mais se plaindre. Mais non, mais je pense non, je pas pense que. Que je me plains pas. Non, je non, pense je pas pense que tu pas. Te plains, toi. En même temps, j'ai une vie qui est très agréable. Oui, voilà, donc déjà, je me c'est pas. Ça, c'est que. Ouais, j'ai quand même et même moi, enfin, tu vois. Non, mais en plus, tu vois, le truc, c'est, par exemple, quand je dis que. Tu sais, des fois, je fais des blagues sur genre ma carrière, par exemple. Ouais. Et les gens, c'est pas que je me plains en fait. Genre, pour moi, c'est un constat, mais en vrai, je suis content de. Enfin, j'ai mesure la chance que j'ai et je suis pas en train de me plaindre, quoi. Mm. Quand je dis, ah, ma carrière est pas ouf, c'est vrai, mais je le dis pas pour me. C'est pas de la. Je me plains pas, quoi. Mm. Et après, quand je râle sur des trucs, c'est pas se plaindre, c'est. Je sais pas, c'est la protection. Les auditeurs ont jugé. Oui, mais après, c'est. Non, ah, positif. Non, mais je veux dire, protester, c'est pas pareil que se plaindre pour oui, moi. Oui, oui. Voilà. Le protester est un meilleur mot, mais voilà, je pense. Bon, après, on va on dire. On se plaint pas, je pense qu'on se plaint pas. Voilà. Moi, je me plains pas. Enfin, ça m'arrive, oui, sans doute, mais. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie. Quand je travaille ou que je fais quelque chose, je le fais de tout mon cœur. Bah, là, oui, on l'a dit, oui. Bon, là, pour tout. On est dans le vrai. Un grand oui. Je suis toujours étourdi et je ne sais pas où aller. Bah, ça va juste... Ça va, le mec a fait le test. J'ai un entonnoir sur la tête et une camisole. Oh là là, quand je repeins un plafond, on me dit accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. Oh là là, je suis un poussin qui sort de l'œuf, j'ai encore la coquille sur la tête. Je cligne des yeux doucement car la lumière du jour contraste avec l'obscurité de ma coquille. Le cocon dans lequel j'étais. Mes ailes sont encore collées, mais je ne suis clairement plus une sacrée chenille. Un petit oui, ça m'arrive. Mais... ouais, mais je ne sais pas où aller. Non, bah, non. Ça dépend s'il parle au sens propre ou au sens figuré. Non, je suis blanc. Si... Allez, arrête, stop. Non. Moi, c'est non. Non, toi, non, c'est non. Tout va bien, je suis pas étourdi. Quand je suis fatigué, il m'arrive de mélanger des mots, mais c'est tout. Moi, je dirais ni oui ni non. Ah, ouais. Non, mais tu vois, si c'est ne pas savoir aller dans la vie, je suis clairement perdu. Ah bah, ouais. Moi, non. Moi, ça va. Bah, moi, oui. Ouais. Totalement. mais après, c'est justifié par le fait que je suis plus vieux que toi. Bah, non, ça devrait être l'inverse. Allez, je le dis de façon très positive, bien sûr. J'ai beaucoup de maîtrise de soi et je peux rejeter diverses options tentantes. Tentantes. Ah, tentante. Oui, qui donne envie de. Renault. Déjà, la fatigue bon. Est présente. Non, Francky m'apaise déjà, c'est oui, la première bah oui. chose. Oh là là. Oui, je peux refuser. Oui, je crois. Ouais, tu vis au-dessus d'un McDo et tu fais un régime, donc on peut dire que. Pas mal, on peut dire que oui. C'est pas mal. Moi, je dirais un petit non pour moi, je dirais. Parce que genre là Panayotis parce que déjà ouais. J'en prie. Non petit non parce genre comme tu enfin tu sais je m'achète des trucs Tu sais, je dis, ah, c'est pas mal ce truc, ouais, un peu cher. Ah, je l'achète. Donc, bon, un petit non pour moi. Merde, j'ai... bon, ça n'aura aucun sens le résultat. Je viens de voter. Le résultat pour moi sera un parfait mélange de nous oui, deux. Oui, voilà. Et puis finalement, ça sera le résultat du Floodcast. Allez. Je fais attention à ce que mes paroles et mes actes ne blessent pas les autres ou ne les embarrassent pas. Oui. Oui. Moi, c'est vraiment un gros oui. Ouais. Enfin, après, ça veut pas dire je le fais. C'est vraiment je fais attention. Ah, oui, oui. C'est, oui, oui, voilà. Je fais attention. Non, mais voilà. Sauf quand j'ai envie de blesser ou d'embarrasser voilà, quelqu'un. Donc, là, en quel cas, je le fais très bien aussi. Je sais très bien le faire. Mais je crois que c'est pas dans le test de la positivité, ça. Non, non, non. Voilà. Mais, non, mais c'est important aussi. Ouais, des fois, je... oh, bah, dis donc, soi-disant, oui, mais toi, j'ai envie de te nuire. C'est pour ça que je dis ça. T'as l'impression que tu es le diable. Moi, je suis simplement humain. Oh. Je suis zéro janvier. Mais c'est ton programme court, simplement humain, je crois. Oh, mais toi, là. Pardon, je parle à Francky. À Francky, pas moi. Hein. Ouais, ouais. Il m'a pas attrapé la nuque. Hein. Une fois que je me suis fixé un objectif réaliste, je m'y tiens. Oui. Bon, toi, oui. Moi, oui. Non, malheureusement. Je suis plein d'humour et je sais m'adapter à n'importe quelle atmosphère. C'est un petit nom, ça. Ouais. Ah, moi, le nombre de fois où je rentre chez moi en disant tu as été trop bruyant. Et tu n'as, oui, je vois. N'as pas du tout été bon. Yep. Tu n'as pas su juger l'atmosphère de la soirée. Ah oui. Bah moi c'est non. Marrant, mais c'est plus dans l'autre sens, dans le côté où je suis allé à une soirée, je fais tu n'as connecté avec personne. Tu es resté dans ton coin. Il y avait plusieurs groupes et un autre groupe de une personne et c'était toi. Et non, moi, des fois je refais la soirée en disant pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi tu. Ouais bah ça c'était un truc qui m'a, mais c'est pas forcément une mauvaise chose ça, tu vois, parce qu'au moins tu as dit les choses. Mmh. Alors que tu vois, moi justement ça a pu m'arriver étant jeune, et maintenant comme je suis un peu plus peut-être à pas vouloir m'imposer, un peu être ouais. En retrait, justement je me suis plus à me dire pourquoi j'ai intéressé dans ton coin comme un con, quoi. Va parler aux gens, quoi. D'une ouais. Extrême longueur. Donc tu mets ton score total au test de personnalité positive est de 490. Sur combien dites-moi. Sur 6000. Non, mais bon, c'est un très beau score. On n'est pas... notre score le plus bas, c'est le courage, 69. Bon, ce qui est assez... On est bien. Ouais, ouais. Intégrité, 92. Pas si mal. Le plus haut score. Ensuite, il y a l'autodiscipline 88. Donc ouais. Ça, je pense que c'est plutôt toi. L'optimisme 78. Oh oui, ouais. L'amour 81. Pas mal. Mais Dieu que l'amour est triste, on rappelle. On rappelle hein. Et responsabilité 82. Ok. Voilà. Donc plutôt positif. Le test de Spline propose 42 questions, oui. Ouais. Ça, si j'avais su à l'avance. Oh là là, on va pas lire les... Voilà, bon, en gros, on est plutôt positif. Oh bah ça va. On est plutôt positif. On est plutôt positif. On est lâche, hélas. Ouais, plutôt lâche. Ouais, mais pas à travailler. On ne tombe après, pas de haut. C'était tes résultats à toi. Oui, oui, c'est vrai, toi, courageux. Moi, je suis. Oh là là. Francky, tu viens? Adrien, ça bah. Fait une bonne heure 40 qu'on parle. Oui. J'ai envie de quand même de passer aux recommandations. Alors, t'as recommandé Starmania, mais bon, quand même, on est entre nous. C'est rare qu'on fasse ces petits épisodes que tous les deux. Je sais ouais. Qu'il y a des gens qui aiment bien quand juste on discute tranquillement. Est-ce que tu as des choses à recommander aux gens? Eh ben, écoute. Putain, j'avais un deux. Bah, j'ai recommandé Andor, j'ai recommandé ah, oui. Starmania. Oui, t'as fait beaucoup de recommandations. Déjà. J'ai deux trucs. Allez. Alors, le premier, un artiste musical qui s'appelle Way Stéphane. Ok. O-U-A-I, plus loin, Stéphane. Donc, okay. Comme Way, mais sans le S, Stéphane. C'est d'ailleurs un pote de Gaël Mektoub hein, qu'on embrasse. Très bien. Et qui fait de la musique électronique et je trouve très très cool. Il a notamment un EP qui s'appelle EP de trois musiques. le premier morceau s'appelle Première musique. Okay. Ensuite, je crois qu'il s'appelle musique suivante et dernière musique, un truc comme ça. Enfin, très bien. Et c'est assez chouette. Et alors, ça tombe bien qu'on soit dans l'épisode où on est tous les deux. Parce que j'ai découvert un podcast via un DM de quelqu'un sur Insta qui m'a dit « je sais pas si tu écoutes le Cozy Corner, c'est okay. donc un podcast, mais il parle de vous, il parle du Floodcast dans le dernier épisode. » D'accord. Donc moi, qui ivre adore... d'égo. Bien sûr. non, je suis allé écouter. Et alors... j'étais au début, je me suis dit, mais ils nous détestaient avant ou pas? Parce que, en fait, la prémisse du truc, c'était un peu genre, eh ben, tu sais quoi, finalement, j'ai écouté le Floodcast et c'est bien. Alors, c'est comme ça que je l'ai compris au départ, en fait, c'était pas du tout ça. Okay. Et, non, mais en gros, c'est juste que dans l'épisode précédent, en fait, ils aiment bien faire une vanne, un running gag, où ils font des appels du pied aux gens pour être invités, tu vois. Okay, okay. Genre, ils l'ont fait avec Game of Roll, où ils disaient « Ouais, non, mais en plus, c'est des gens qu'on connaît, donc, bah, je sais pas, si jamais ils devaient inviter des gens, je sais pas. Okay. » Et donc là, ils ont fait une intro, ils disaient « Putain, j'ai écouté le podcast, c'est des génies, ces mecs !» Alors qu'en fait, ils nous avaient jamais écoutés. Okay. Et en gros, ils disaient « Ouais, faut quand même qu'on arrête les appels du pied et tout. » Donc, ils avaient fait ce gag-là. Et du coup, dans l'épisode suivant, donc Moguri qui est un des deux, parce que c'est deux gars qui ils sont toujours deux, parfois ils invitent une troisième personne. Est-ce que l'un est chauve et l'autre hirsute? C'est ma toute question. Un peu. Ah ok, un peu. Non, il est pas hirsute, mais un est chauve en tout cas. Ok. Et non, et c'est et du coup il dit parce qu'ils font aussi des recommandations et du coup sa recommandation c'est le Floodcast en disant et tu sais quoi, on a fait la blague dans le dernier épisode et il disait moi j'écoute pas de podcast parce que j'ai pas le temps mais là j'avais du temps et il dit j'ai écouté le Floodcast et bon il fait plein de compliments sur nous donc j'ai pas non plus pas, mais du coup j'ai écouté l'épisode pour, corner, ouais. Et en fait je trouve ça c'est hyper cool, c'est en gros il parle mais c'est un peu ce qu'on vient de faire là, c'est tu vois. Quoi, ouais. Ils discutent entre eux, des fois ils parlent genre de leurs vacances, mais il y a aussi c'est notamment Starmania, ce qui m'a, enfin c'est pas ce qui m'a motivé à aller le voir, parce que je suis allé le voir principalement pour accompagner quelqu'un à qui j'ai offert la place. Mais par exemple, il a fait tout un truc où il parle de Starmania et je me suis dit putain, ça a l'air trop bien. C'est Andorre, j'ai regardé parce qu'ils ont parlé de Andorre. Okay. Il y a tout un épisode où, en fait, ils sont très axés pop culture. Je crois que c'est deux. Ils bossaient dans le milieu du jeu vidéo. Okay. Donc, ils parlent beaucoup de jeux vidéo. Ils font. Et tu vois, ils n'hésitent pas à parler vraiment longtemps de trucs qu'ils aiment bien. Il y a tout un épisode où ils parlent du Seigneur des Anneaux. Et en fait, plutôt de Tolkien de manière générale et de façon très approfondie, et c'est vachement intéressant du coup, parce que le mec il est vachement passionné par ça, et donc il en parle, et c'est vachement intéressant, t'apprends des trucs et tout. Et en plus de ça, ils sont vachement marrants, puis tu sens que c'est vraiment deux potes. Ouais. Qui se marrent entre eux en fait et voilà, et du coup c'est devenu en plus ça existe depuis 5 ans je crois, donc il y a beaucoup d'épisodes. Okay. Et du coup et en fait je suis content parce que c'est vraiment arrivé dans un moment, enfin moi il faut savoir que beaucoup de mes podcasts où c'est genre des gens qui discutent sont soit n'existent plus, soit genre il y a une personne qui est partie et du coup c'est plus aussi bien, et du coup je me dis putain mais qu'est-ce que, enfin j'aimerais bien avoir un podcast comme ça juste de gens qui discutent. Et c'est cool et ça, et, tu vois, tu peux l'écouter en faisant autre chose et voilà, un peu ce que on est nous en fait. Ouais. Mais que j'aimerais bien avoir ça en fait moi. Et ben Cozy Corner. Ce que j'avais un peu avec 301 vues, mais du coup là je l'ai avec Cozy Corner et voilà, c'est Marocco et c'est très chouette et en plus je trouve pas mal de parfois de similitudes avec nous, ou des vannes qui reviennent et des trucs et donc c'est très bien. Voilà, je recommande ce podcast de pop culture. Très bien. Et bien quant à moi, alors j'ai deux recommandations. Une peut-être un peu évidente, c'est le film Babylone de Damien Chazelle. Bah, c'est alors, ton père qui t'a demandé d'aller le voir, j'imagine. Bah, j'y ai un peu pensé sur les. Je me suis dit, les recommandations de fin d'année avec Pierre Lapin, ça va être sympa quand on va être sur Babylone. Non, Babylone, donc le film de Damien Chazelle avec Margot Robbie et Brad Pitt, entre autres. Alors c'est un film qui divise vachement. Je pensais vraiment que le film faisait genre une méga unanimité parce que moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et en fait pas du tout, il y a des gens qui détestent genre vraiment viscéralement. Ça dure 3 heures donc peut-être c'est ça qu'il faut. Tu sais ce que j'en pense. Non mais alors justement là vraiment c'est 3 heures qui passent extrêmement vite. Il y a le montage, la mise en scène, ça rappelle vraiment des films Moi, je suis, un de mes metteurs en scène préférés, c'est Paul Thomas Anderson. J'adore. Et donc, quand il faisait Boogie Nights ou Magnolia, c'est des films de 3 heures, mais qui sont méga speed. Boogie Nights, il dure 3 heures. Il dure peut-être 2 heures et demie, mais c'est très speed, tu vois. C'est la caméra, elle vole, c'est archi cut, il y a 90 personnages, donc en fait, tu te fais jamais chier. Babylone, il y a ça aussi. Franchement, moi, je me suis vraiment pas ennuyé. Et à la fin a beaucoup divisé, alors je ne vais pas en parler, mais il y a un truc méta sur ce qu'est le cinéma aujourd'hui. D'accord. Etc., etc. Enfin, sur ce qui a été sur l'histoire du cinéma jusqu'à aujourd'hui, un pardon. Peu comme dans Once Upon a Time in Hollywood. Bah alors, je l'ai pas vu. J'ai non, aucune idée si c'est vrai ou pas. Il y a des similitudes, ce qui est d'ailleurs complètement fou parce que c'est les deux mêmes acteurs, Brad Pitt et Margot Robbie, ils sont dans les deux films. Ouais. Mais ce que j'aime beaucoup dans Once Upon a Time, c'est alors j'adore Once Upon a Time, mais ouais. Once Upon a Time, c'est un peu un film d'un gars qui dit c'est fini. Ah, alors oui. Que Babylone, ça a dit non. En fait, ça s'est arrêté plein de fois le cinéma. Il parle d'un truc qui a été sujet déjà de plusieurs films, à savoir la fin du muet pour le début du sonore. Donc c'est dans Chantons sous la pluie, c'est dans The Artist, voilà, c'est un thème qui a déjà été traité. Mais là, c'est un peu sous le prisme de, en fait, le cinéma a plein de fois failli se péter la gueule et il y a eu des nouveaux trucs et les nouveaux trucs ont été vus comme des trucs géniaux, mais il a fallu quand même les réinventer. La période de l'arrivée du son, faut savoir, dans l'histoire du cinéma, c'est considéré comme une des périodes les moins intéressantes d'Hollywood, en fait. C'est-à-dire que, bah oui, parce que d'un coup, ils savaient plus le faire et le film en parle vachement bien. C'est-à-dire que quand c'était du muet, ils faisaient 50 films en même temps, tu vois, les acteurs allaient d'un plateau à l'autre, c'était super énergique, machin, et d'un coup, il y a le son, donc d'un coup, il y a un gars du son qui dit silence. Et d'un coup, ça devient un art beaucoup plus calme, plus attention, chut. Et tout ça, c'est vachement bien traité dans le film. Et moi, j'étais à fond dans ce truc-là, quoi. Et la fin du film fait écho à aujourd'hui, tu vois, au Avatar. Maintenant, il y a de la 3D, ils augmentent le nombre d'images. Enfin, on est dans des révolutions. Et même la place des effets spéciaux aujourd'hui, où plein de gens disent, putain, maintenant qu'il y a des effets spéciaux partout, le cinéma est vachement moins intéressant. Toutes ces questions sont posées un peu dans le film d'une certaine manière. Ça, plus le fait que c'est vraiment marrant, il y a vraiment beaucoup de vannes, les acteurs sont ouf. C'est de qui De Damien Chazelle. Moi, faut savoir que Damien Chazelle, c'est aussi un metteur en scène que j'aime énormément. Donc il a fait La La Land, qui est le film que beaucoup de gens ont vu, Whiplash aussi, qui sont deux films que j'adore. Il y a First Man qui a beaucoup moins bonne presse, alors que pour moi c'est, alors je pense que Babylone est mon film préféré de Damien Chazelle. Mais je pense que First Man est juste en dessous. Et après, c'est Whiplash et après c'est La La Land. Si je devais faire un top, parce que voilà, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des figurines pop. Babylone. Ah là là là là Land. Et First Man. Donc le mec est un rasta, en fait. Bah c'est un pur rasta. Non, par contre c'est un réal de 38 ans, donc il rend fou aussi, parce que vraiment beaucoup de talent et plein d'idées. Et comme tous les gens très talentueux, je m'intéresse à sa carrière. Et en plus, il a commencé un peu en tant que scénariste. Il a écrit Le Dernier Exorciste 2, donc qui est vraiment un film limite direct ou DVD, et un film que j'adore qui s'appelle 10 Cloverfield Lane, qui est la suite de Cloverfield avec John Goodman. C'est lui qui a écrit. Il l'a écrit, et c'est un chef-d'œuvre, ce film. Enfin, je vous le conseille, j'adore ce film. C'est un film popcorn à fond, hein, vous attendez pas, voilà, mais c'est vachement bien. Et c'est un rapport avec Cloverfield ou Ouais. Mais on peut le regarder. Ah oui, sans avoir vu, mais tu sais, en fait, Cloverfield, ils avaient fait des suites où le lien c'est le monstre, mais en gros les films sont tout à fait différents, c'est même pas le même genre, c'est même pas. Ok, d'accord. Donc c'est même pas le 2, enfin c'est pas le 2 d'ailleurs, 10 Cloverfield Lane, c'est même pas en fan footage. C'est un film, tu vois, champ contre champ. Okay, voilà, non, c'est vachement bien. Et c'est mieux que Cloverfield. Moi je suis pas le plus grand fan de Cloverfield et j'adore 10 Cloverfield Lane. Okay. Donc non, c'est vachement bien. Et puis si t'aimes John Goodman, là c'est un de ses. Enfin, il est au top, quoi. Il est niveau Barton Fink, donc tu vois, il est vraiment trop bien. Bref, tout ça pour dire que Babylone, moi j'ai adoré. Il y a plein de gens qui ont détesté et je comprends, parce que c'est un film un peu vulgos. Le film s'ouvre sur un éléphant qui chie sur la caméra. Je ne peux pas te dire mieux. Donc voilà, il y a plein de trucs qui sont un peu genre grossiers et donc ça énerve sûrement des gens. Pas toi. Alors que moi, à ce moment-là, il m'accueille. Non mais en fait, voilà, il y a un truc où qui dit que le Hollywood de l'époque, il était crado aussi, quoi. C'était pas genre je mets mon costard. Des gens se font pisser dessus. Enfin, c'est vraiment le glauque d'Hollywood de l'époque. Et j'aime bien, voilà, je trouve que c'est vachement bien. Il y a un truc très Scorsese aussi là-dedans. Regarde, il se réveille quand il parle de cinéma. Ah, mais non, mais c'est vrai, j'adore. Après, vraiment 42 questions de merde sur ce test à la con. Non, c'était vachement intéressant, on a parlé de choses profondes. Oui. Mais voilà, donc Babylone, c'est vachement bien. C'est un film que je vous conseille. Et j'ai rematé Lolita malgré moi. Qu'est-ce que c'est bien, Lolita. Alors, Mean Girls en anglais. Ah, d'accord, oui, ok. Avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams. écrit par Tina Fey. Ben oui. Et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Quoi. C'est assez dingue. Ça me suis vraiment dit, bon, bah, faudra vraiment que je montre ce film à ma fille assez, enfin, dès qu'elle sera au collège, en fait. Ouais. C'est drôle, c'est très, très drôle. Tina Fey, c'est très, très drôle. C'est marrant, j'en parlais avec ma meuf. Quand j'enlève un pull, il y a toujours mon t-shirt qui part avec et je suis à moitié torsionné. Je me dis, c'est marrant, cette vanne, je l'ai pas trop vue alors qu'elle me paraît méga évidente, quoi. Ça nous arrive à tous. Et en fait, elle est complètement dans Mean Girls au début. Enfin, Tina Fey, justement, le fait. Et donc, elle est en soutien-gorge dans tout le monde. Tina le fait, du coup. Tina le fait. donc, ouais, Mean Girls, c'est alors, il y a 2-3 blagues, 2-3 traitements, bon, qui sont un peu à l'ancienne. Mais franchement, c'est un film très drôle, très malin. Et du coup, ça m'a fait. J'ai commencé à relire Bossy Pants, qui était le livre de Tina Fey, qui est un super bouquin. Où elle parle un peu de, parce qu'en fait c'était la directrice d'écriture, je crois même que c'était la première femme directrice d'écriture du SNL. Ouais, je pense. Du SNL. Et elle explique peut-être que la seule, non hein peut-être la seule et peut-être la seule je pense que récemment il y a dû en avoir quand même. Mais toujours est-il que c'est un livre qui est très drôle et très intéressant, et c'est pas un livre de développement personnel à la con, mais quand même elle donne plein de tips et de conseils sur l'écriture et la façon de gérer des gens, sachant qu'au SNL elle gérait certaines personnes qui étaient complètement tarées, parce que ouais, c'était ouais. que des gens qui voulaient être drôles dans une pièce, donc c'est souvent ouais. les pires oh, ambiances. Bah, on connaît. On les connaît. Donc voilà, Bossy Pants, Mean Girls et Babylone, voilà. Babylone. Il y a eu pas mal de recos là quand même. Ouais. Voilà. Et aussi la chaîne YouTube Ina Stars, Ina, d'accord, de Ina. Oui. Ils ont lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Ina Star, où en gros ils mettent des coulisses et des longues interviews de célébrités du monde artistique, okay. mais du coup d'époque. Et okay. là, je suis tombé dessus parce qu'il y avait un making-of de Rabbi Jacob, pas un making-of, mais un reportage de Rabbi Jacob d'époque, okay. où vraiment tu suis le décorateur, le réalisateur de Funès, etc. C'est dure 10 minutes. C'est pour ça que t'as posté. Ouais, un truc avec Gourville, ça c'était la grande vadrouille, mais ouais. En ce moment, je suis un peu là-dedans. Et pareil, là, il y a un truc sur les en gros, c'est une pièce de théâtre qui cartonne en ce moment à Paris. Le Père Noël est une ordure. Ouais. On a rencontré les petits jeunes qui font ça, et donc t'as Clavier, Blanc, tout le monde. Enfin, voilà, ça c'est vachement bien. Je me demande si c'est ça que j'ai vu. Moi, j'ai regardé. Alors, c'était sur une chaîne de Lina, mais je sais pas si c'était celle-là. Une répète de Starmania, du coup, avec Balavoine, où tu vois, mais genre Balavoine et France Gall qui répètent, mais genre, c'était même pas les répètes de la tournée Floodcast, quoi. Ils sont dans une vieille salle de merde où tous les gens ils sont assis autour sur des chaises et ils sont en train de répéter. T'es sur le site de la RTBF, je pense que tu as vu ça. Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Mais j'ai mangé les coulisses de Starmania. Ça doit être ça, ouais. Putain, 9000 vues, dis donc. T'as digué, hein? Ah, t'as digué. Je crois pas que ce soit allez, ça que j'ai regardé. Stop, j'arrête. Bon, bref. Mais ouais, c'est trop drôle, quoi. Tu les vois répéter, mais c'est genre. Enfin, c'est fou, quoi. Mais en tout cas, ce site de Lina, enfin, cette chaîne YouTube de Lina, c'est pas Lina. Que des trucs années 70-80. Il y a aussi y a une interview. Y a Gotaga. J'ai maté une interview de Diams de 99. Donc, voilà, c'est juste des artistes assez tôt dans leur carrière, quoi. Donc c'est toujours super intéressant de les voir jeunes et de les voir machin. Donc voilà. Bon. On parlait de Tina Fey. Ouais. On va dire que c'est pas vraiment une reco, mais c'est un peu une reco. Non, mais c'est que ça me fait penser à 30 Rock. Et il y a un épisode de 30 Rock auquel je pense tout le temps, très fréquemment. C'est un épisode qui s'appelle The Bubble. Ouais. T'as regardé 30 Rock ou pas? Ouais, alors là, comme ça, le titre me dit rien. Mais... En fait, c'est l'épisode où elle sort avec un mec ultra beau qui est joué par John Hamm. Ouais. Et ça te dit quelque oui, chose si, ouais. Ouais. Et en gros, il est trop bien cet épisode. En fait, c'est juste, elle sort avec donc un mec qui est très beau. Et comme tous les gens très beaux, il est traité différemment. Les gens le traitent mieux parce qu'il est beau. En fait, les gens ont envie de lui plaire. Et les gens justement sont très positifs avec lui. on va revenir. On va pouvoir faire une conclusion. Non. Et du coup. Les gens sont tellement positifs avec lui qu'en fait le mec vit dans une bulle, la bulle des gens beaux. Et en gros, le mec ne se développe pas du tout humainement parce qu'en fait, dès qu'il fait un truc, même si c'est nul, les gens lui disent trop fort en fait. Et du coup, il se développe pas du tout humainement. Et en fait, à un moment donné, parce que elle. Même si elle est charmante, Tina Fey, elle se donne un rôle de meuf infâme. Enfin, elle est censée être... Bon, bref. Et elle dit, regarde comment les gens me traitent moi et tout. Et donc le mec, il y a tout un truc où il dit « Ah mais moi je veux pas qu'on me traite différemment, je veux sortir de l'abus. » Enfin, je vous invite à regarder cet épisode, il est très bien, mais c'est un épisode en fait qui parle du privilège en fait, parce que bah, être beau ça fait partie des privilèges, mais on peut extrapoler à plus de privilèges, et c'est vachement intéressant en fait, mais cela dit, j'y pense souvent parce que je vois parfois des gens, bon je vais pas te dire le nom, il y a une personne, une célébrité que je vois parfois essayer d'être drôle et je lui dis oui mais non, ça se voit que les gens rient à tes blagues toute ta vie parce que tu es beau, mais tu n'es pas drôle, ah, ça se voit, tu as un humour de mec pour qui les gens rient par... Positif. C'est bon là, parce que justement c'est le twist de fin, ouais. C'est que... La positivité, ça peut être un truc toxique. Moi, je l'ai vu même avec des proches à moi, ouais, qui en sont revenus d'ailleurs. Mais des gens qui, quand ils ont commencé à cartonner, qui ont été à fond dans ce truc, genre non, mais attends, moi je suis positif. Dès que tu leur parlais, même pour leur dire un truc, genre ouais, fais gaffe à ça quand même, parce que ils disaient non, mais mec, attends, là c'est négatif. Ouais. Et en fait, c'est une façon aussi de. C'est ce qu'on appelle du coup la positivité toxique dans une certaine mesure, qui est en fait. Une façon de fuir en fait les choses négatives mais qui sont nécessaires en fait. Oui, des fois se remettre en question ça fait mal, mais c'est nécessaire en fait pour pas aller dans la mauvaise direction, et balayer ça d'une main en disant non mais là t'es négatif, bah des fois souligner le négatif auprès de quelqu'un qu'on aime, c'est positif en fait, quoi. Et donc c'est pour ça, voilà, je n'est pas forcément positif, c'est je veux dire, il y a une différence entre le positif et le bien, le bien avec un grand B, quoi. Des fois il faut passer par des trucs négatifs, et voilà, donc tout ce qu'on a dit là c'était de la merde, c'est négatif, putain, trop cool. Non mais c'est qu'il faut prendre quand même avec des pincettes tous ces trucs de good vibes only qui sont fait des trucs très parfois. J'en peux plus du mot toxique parce que tout le monde l'emploie à tort et à travers, mais c'est plutôt remplacé par de la chiasse. Voilà, c'est parfois ces trucs de positivité qui sont juste de la chiasse. Ouais. Bah et voilà, une belle conclusion. Et voilà, et du moi, coup, du coup, voilà. On va reprendre les floodcasts normaux. Oui, un petit bien peu. Sûr. Évidemment, là, c'était une sorte de hors-série, hein, d'une certaine manière. Bien sûr, absolument. Mais comme tu disais. Il est possible que, il faut prévenir. Ah bah oui. Comme tu as ton gros projet. Énorme. Arrive. D'ailleurs, si vous demandez le poids. Ah bah il arrive. Ah ouais, non. Enfin, de la même manière que le deal de tout à l'heure, on l'a pas dit, mais je pense qu'il était big. Ah c'était un big deal. Et là, le projet arrive lourd. Il arrive lourd. Lourd. Je pense que moi j'ai. Cela dit, non, il peut encore foirer à l'instant même où on parle. Bien sûr. Mais que non, c'est parti. Mais oui, il y a des chances que là le rythme. Et tu vas être très pris et on n'a pas encore. On ne sait pas encore quelle formule on va choisir. On ne sait pas. Ça peut être un peu plus au déboté. Je sais qu'il y a des podcasts. Même des gros podcasts qui font des rediffs de vieux épisodes. Je sais pas si c'est un truc qui pourrait. Je sais pas. Est-ce qu'on nous insulterait ? On nous insulterait. Mais peut-être. En vrai, le truc, c'est que. Un best-of, moi, je sais que j'en ai un dans les. Parce que j'avais essayé d'en monter un cet été et j'avais pas réussi à aller au bout. Ouais, mais. J'en avais un dans les fagots. Bon, mais on va trouver. Je pense qu'en vrai, des vieux épisodes que les gens connaissent pas forcément et qui sont marrants, faire une rediff, ça, pourquoi pas, le faire, ça peut se tenter en tout cas. Pourquoi pas. Écoute, on a pas acté. En tout cas, on préfère prévenir. Voilà, on va tout faire pour maintenir le rythme, mais il y a quand même de grandes chances que deux humains avec des failles et des faiblesses. Oh là là, et des fêlures. Il y a aucune équipe derrière nous. Il y a moyen que ce soit plus difficile, mais ceci étant. C'est plutôt pour une bonne chose parce qu'il y a quelque chose qui normalement devrait être chouette. Un gros projet. C'est ça que je suis moins là. Donc, un film. Quelque chose que j'ai. Ah, arrête. Allez, arrête. Bon. Merci beaucoup. Passez une très bonne semaine et puis à très vite. Voilà. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.